Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 65e épisode du podcast du collectionneur. Bonsoir. C'est à vous, messieurs, dames. Ta yo. Ok, donc toi, tu dégages. Ça c'est fait. Ça on peut passer. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ah, au moins. Bon, j'espère que tout le monde. Il est basé quoi? Bah, il dégage. Ah, ok, j'avais pas compris la blague. J'avais pas compris la blague. J'ai bien qu'est-ce qui se passe. Je pensais que c'était moi qui mettais des. Je l'ai viré. Ta yo. Mais c'est sévère. Arrête, il va se faire striker. Raide, hein. Je vais reconnaître ses chansons, c'est sûr. C'est raide. Hein. Pardon. Moi, ouais, je vous banne tous, moi. Bonsoir, tout le monde. Et donc, ce soir, on a décidé d'enfoncer quelques portes ouvertes et de parler d'un sujet d'actualité. Et c'est Buns 'em up, comme dit les Candy Jammin' Et on va vous parler donc de Legend of Zelda, et on va faire un petit retour dans le temps et parler des épisodes de Zelda entre nous, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On risque de beaucoup pas être d'accord. Je pense qu'il va y avoir des bans. Hein. Non, mais ben, il n'y a pas de bagarre. Tant que vous êtes d'accord avec moi, Tout va bien. ça va. Et en fin de podcast, c'est Monsieur Chou qui nous racontera un jeu. Aïe. Aïe. Oui. Ça va être l'enfer. Ah oui. Ah ouais. Mais avant, bah comme d'habitude, Force News, Ouf. on va vous parler. Et avant, on va commencer directement par une de celles, moi, qui m'a fait le plus gros effet, le fameux text to speech de RetroArch. Oui, ouais, effectivement, ouais. Et parce que j'y croyais pas, j'ai vu et j'ai dit non. Voilà. Donc, qu'est-ce que C'est c'est le ouf, hein. text to speech, Monsieur Chou, si tu veux Alors, expliquer? donc intégré dans RetroArch version 1.7.8, une, comment dire, ils appellent ça Optical Character Recognition. En fait, ça vous traduit un peu automatiquement certains textes en japonais, en anglais, directement, soit sur l'écran, ou alors ça vous le lit automatiquement. C'est apparemment une intelligence artificielle qui traduit ça. Ça a l'air vachement bien foutu, Ah, mais j'ai pas l'idée pris est le temps d'essayer. tellement bonne. Parce que le problème, c'est que je crois que ce fameux RetroArch 1.7.8, c'est pas encore intégré. À mon avis, c'est loin d'être intégré dans les trucs genre les Raspberry Pi et tout machin. Pour des raisons aussi sans doute de puissance. Donc je pense qu'il va falloir gérer ça avec un PC. Donc ouais, Et puis ça a l'air c'est vachement. une bêta, quoi. Ouais, alors attention, moi j'ai vu le truc te tourner. Sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même tard dans l'année pour un poisson d'avril. Hein. Et puis en me renseignant un peu, c'est un truc qui existe. Ah, mais je trouve que l'idée elle est fabuleuse. Ah bah bien sûr, tu C'est m'étonnes. vraiment fabuleux, quoi. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années. Maintenant, moi j'avais commencé à voir ça à l'époque sur c'était sur la DS, à la fin de la 3DS. L'idée c'était de prendre en photo du texte d'une langue comme le japonais et d'avoir un logiciel qui vous traduise directement ce qui a marqué sur la photo. Ouais. Sur les téléphones smartphones, la plupart des smartphones aujourd'hui, que ce soit Apple ou Google, vous pouvez faire ça directement avec votre assistant Google. Bah, c'est ce que Sachez j'ai que, vu. voilà, ceux qui ont un smartphone Android, vous lancez votre assistant Google, vous scannez avec Voilà, et votre appareil automatiquement photo ça numérique traduit. n'importe quel texte et il vous traduit directement ce qui est marqué à l'écran via la reconnaissance des caractères. Et donc là, l'idée, c'est de jouer à un jeu en japonais et d'avoir en même temps quelqu'un, une voix artificielle, qui vous lit le texte en anglais. Alors, si je me souviens bien, il faut configurer un truc dans RetroArch, il faut lancer aussi une petite fenêtre, genre une invite de commande sous Windows pour lui dire, ah voilà, tu vas communiquer avec tel truc machin pour me traduire le texte. Mais en fait, dans ce qu'on a vu, ça, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais ça a l'air plutôt au point ce truc. Hein. Moi, c'est vraiment ça qui m'a étonné. C'est quand j'ai lu les quelques phrases ou quoi machin, je me suis dit, ouais, en fait, là, c'est du texte qui est lisible. Ça n'a pas l'air d'être du, comment dire, de l'English, comme ils disent. Mélange d'anglais et de japonais, mais tout bizarre. Après, Enfin, attention, ça change il le jeu. faudra voir aussi sur certains types de jeux, c'est-à-dire RPG Ouais. où tu as beaucoup, Et ben beaucoup en de fait, texte. ça a été testé sur des RPG. Faut voir. Sur la Le truc, durée, voilà, hein. c'est Et ça, la c'est madame, que elle sur fait chrono, chrono, réveille-toi, la. chrono. Et moi, je veux que tu problème. puisses faire ça, mais avec la voix d'Homer Simpson, quoi. Que tu puisses mettre tes propres voix. Ah, plus tard, sans doute, ouais. Je pense que le souci, c'est qu'évidemment, on risque d'avoir des fois du petit nègre, qu'on puisse avoir... Alors, on n'a pas le droit d'utiliser cette expression en 2019, je crois. Je sais pas, Enfin, ça paraît un peu bizarre. et d'avoir donc, comme tu dis, une English. Et enfin, c'est pas très grave. L'idée, c'est que c'est pas de proposer non plus des traductions 100% accurate de fan-groupes qui sont passés 5 ans à traduire les textes. Non, l'idée, c'est juste de pouvoir lancer certains jeux qui aujourd'hui n'ont pas de traduction et de comprendre le sens global de ce qu'on est en train de faire en direct. Ce qui est quand même extrêmement agréable, je trouve. Ben je veux dire, c'est que même si au pire on se retrouve avec une traduction du niveau d'FF7 par exemple, Ce sera pas bien grave. on Après, arrive à disons que c'est avancer dans le compréhensible. jeu et à taper des trucs, quoi. Voilà. Et à comprendre pourquoi enfin, ce qui se passe et surtout où aller. Souvent, c'est souvent ça aussi. Donc en fait, ce que tu veux dire, moi, c'est que la traduction d'FF7 aurait été faite par une intelligence artificielle. Alors, intelligence, je sais pas, mais artificielle, j'en Artificielle, ai oui. aucun doute. Oui. Ça, c'était un pic foiré. Non. Non, non, non, mais pourquoi j'ai lancé ce sujet, moi, merde. La taunte gratuite. Donc, bon, ça va, voilà, ça va être amené à être intégré de mieux en mieux, à s'améliorer dans les mois, les années à venir. Et c'est quelque chose qui a l'air vraiment sympa. Et Bref, puis... wait and see, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans d'autres podcasts. Ensuite, une news qui nous vient de nos amis de jeuxvideo.com. Un joystick prévu pour favoriser, oui, je l'ai bien dit, l'accessibilité aux jeux vidéo. Alors, ouais, Il ça c'est un s'appelle truc qui a Handy beaucoup, Stick. beaucoup à la mode en ce moment, Alors, hein, quand même, ça hein, tout rappelle quand est... même un accessoire qui était sorti pour la NES qui s'appelait le Handy, je sais plus trop quoi. J'en ai discuté en plus il y a quelques jours avec Cap Silver, ça m'énerve. NES Handy Controller ou un truc comme ça. Je vérifie si c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Enfin bref. Donc il y avait un accessoire un peu similaire qui était sorti pour la NES. Donc là, apparemment, c'est censé être compatible PlayStation et avec la Switch. Alors par contre, j'avais pas lu le prix quand j'ai mis le truc. Donc ça parle quand même de 1500 euros. Ah ouais. Mais apparemment, c'est un Ah mais système c'est le qui est. problème des manettes Ouais, voilà, bon, là-dessus. apparemment, c'est un système qui est avant tout destiné, comme ils disent dans la news, aux établissements de soins spécialisés. Donc, fonctionne sur Switch, PS4, Xbox One. Moi, j'ai trouvé l'idée, en fait, vraiment intéressante, et c'est pour ça Bah, que je vous disons que ça l'ai serait dit. bien qu'à terme ça soit accessible à toutes les Bon, personnes en après, situation de handicap. comme j'ai dit, hein, il existait, en fait, comment dire, un truc un peu similaire, en fait, pour la NES. Ouais, depuis on n'en a pas vraiment entendu parler. Je sais qu'il y a des gens qui modent des manettes pour les rendre accessibles à des personnes atteintes de handicap, mais surtout des handicaps très spécifiques. Il y a Donc là, faut voir. Handigamer, hein, c'est une Oui, association voilà. Oui, dédiée à ça. je sais. Je pensais à eux et surtout à quelques modeurs en fait que je suis aussi sur YouTube. Je me souviens plus exactement les noms. Je Mais sais bon. pas si on l'a dit, mais là, cette manette-là, en fait, c'est pour contrôler les jeux à la bouche. Je sais pas si vous en Voilà, avez bah en parlé. fait, ouais, j'essaie Et de ça, c'est retrouver le cool. truc. C'est vraiment cool. J'essaie de retrouver En en fait la soufflant ou manette. en Ah aspirant voilà, ça s'appelait le dans des tuyaux. Nintendo Hands-Free Controller. Je sais pas si vous vous souvenez de ce machin. Oui, Non, c'était je. distribué uniquement dans les hôpitaux et ça permettait de le contrôler via la soufflant. En Exactement, ouais. Bah, tu Parce que bon, souffles c'est ou quelque chose t'aspires et ça fait une touche différente, quoi. qui se démocratise beaucoup quand même, parce que Microsoft avait lancé une manette aussi, on dirait, à l'intention Oui, mais des parce qu'ils se handicapés sont tout aperçus récemment. qu'il y avait un marché aussi. Je me souviens Ah plus ouais. par contre comment ça s'appelait le Ils sont truc de arrivés à dire Microsoft. comme On en a ça, déjà mais. parlé ici, mais Oui, c'est c'était sympa. le. Comment ça s'appelait? Attends, moi je vais te retrouver Oui, bah ça. leur contrôleur, hein. Oui. Adaptive. Évolutif, là. Adaptive. Xbox Là, oui, voilà, la manette adaptive Xbox, oui, voilà. Ouais, mais c'est pour différents types de handicap par Bon, contre, handicap, ah oui, parce mais qu'il y a pas tous les handicaps sont différents, quoi. ouais, Donc... Oui, mais bah, c'est clair. Mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose Ah non, mais il faut. qu'on voit beaucoup, C'est quoi, très très quand bien. même. Il faut que ça soit fait de toute façon. Oui. Après, moi j'espère qu'à terme, les prix soient abordables. Effectivement. C'est ça. Il faudra que les prix soient abordables. Parce que donner la possibilité de jouer aux gens, c'est bien. Mais l'acheter, c'est mieux. Exactement. Bon. Autre news, ah, autre news, hein. Pas autre news, la news, la déception depuis la dernière fois que nous avons fait le podcast, je crois, la plus grosse déception qui est apparue. Oui. Moi, pour moi, c'était pas une déception. Hein. Nos amis bah, déchets. Je vous ai laissé vous enflammer là, mais je. Ah, mais moi, j'ai... Oh, nos amis de chez SNK ont révélé ce qu'était leur nouveau hardware. Non, moi, je vous laissais vous enflammer, je disais rien, mais je me disais oui, ça va être un truc du genre. Moi, j'ai dit que ça allait être de la merde. Genre, et maintenant, tout le monde a dit ça, quoi. Ah non, moi, j'ai rien dit, moi. Moi, je disais rien, moi. Moi, je l'avoue, hein. Moi, j'ai dit que ça allait être une nouvelle Neo Geo Next Gen. Moi, par contre, je me souviens plus. Comme ça, moi, je suis safe. Ça allait être de la merde, que je vois pas comment il pourrait faire. Bon, alors, j'étais tout seul à avoir dit du bien, quoi. Moi, j'ai dit que je ne savais pas, mais que ça pourrait être sympa, mais je ne m'attendais pas à ça. Ah bah, je crois que par contre, ils avaient dit nouvelle hardware, on parle de connectivité avec un Neo Geo Mini. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de nouveau, de absolument gueudin, une manette. Ah, oui, mais disons qu'on espérait du bien ou du pas bien, là, ce qui est certain, c'est que personne n'avait imaginé ça. Non, non, parce que tu peux pas, tu peux pas imaginer ce genre de truc. On en avait déjà parlé un peu hors stream quand on a préparé ce truc. Moi, j'attends une chose, c'est que SNK, il nous donne les dimensions du stick. Parce que bon, là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais je vois mal un truc... Dans l'idée que je m'en fais, c'est un machin, tu peux pas le mettre, tu peux pas y jouer confortablement le posant sur les genoux. Peut-être que chez SNK, ils pensent encore que ceux qui jouent au jeu de baston, en particulier, jouent en fait assis derrière une table. Non. Mais il faut expliquer peut-être déjà ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils imaginent. Donc c'est un stick arcade qui ressemble grosso merdo au pas de cacahuète de la Neo CD, c'est bien ça ? C'est ça, avec un stick, exactement ça, avec 20 jeux inclus dedans en fait. Mais quels jeux ils vont mettre ? Ils ont déjà mis les jeux sur tous les supports, il y a déjà les jeux sur la... Je pense même que sur les boîtes de vaches Kiri, t'as même les jeux Neo Geo. C'est pour dire à quel point on les voit partout. Pourquoi ? Tout le monde s'en fout des jeux qu'ils vont mettre, sachant qu'ils sont dispo partout. Mais je pense que c'est surtout une manette, donc c'est un arcade stick pro à destination des Neo Geo Mini, hein, de toute façon. Hein, c'est une rétrocompatibilité pour ça à la base. Hein. Mais après, il faut avoir aussi la qualité du matériel parce que moi je prends ça un petit peu comme un gros doigt parce que lorsqu'ils ont sorti la Neo Geo Mini, ils nous ont sorti ces sticks analogiques. Sans micro-contact, où les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... On veut pas ça. Et donc là, ils arrivent un peu en mode chevalier blanc, et regardez, on a retrouvé des micro-contacts. Ouais, chevalier blanc. Attends, quand ils vont dire les prix, je pense que tout le monde va voir fou. Alors, par contre, il y a une autre chose. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue vraiment. Donc ce truc, on va pouvoir possiblement le brancher à un PC ou pas du tout ? On sait pas. Parce que les jeux Neo Geo, c'est 4 boutons. Pourquoi il y en a 8 en façade ? Je sais pas. Donc je trouve ça bizarre. Parce que tu peux jouer à deux sur le même joystick. je trouve les excuses que je peux. Donc voilà, moi quelque part, je trouve ça très drôle. En tant qu'un peu aficionados des sticks arcade et surtout de l'arcade, il y a quoi à l'intérieur ? Les sticks actuels d'un Neo Geo Mini sont pas compatibles PC, hein. Ils fonctionnent que sur un Neo Geo Voilà. Mini. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc en termes de pièces ? Ils vont nous mettre quoi ? Ils vont nous mettre un joystick chinois tout pourrave. Bon. Ah, mais j'attends avec impatience qu'on ait des caractéristiques, qu'on ait les jeux et qu'on ait le prix. À mon avis, ouais, ça va piquer, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse. C'est Neo Geo, donc ça piquera. Ce qui m'intéresse, c'est la taille du machin, parce que je vois pas ça. Moi, pour moi, je vois ça comme comment dire un truc genre. Non, je peux même pas comparer en fait. Je suis désolé. Que la Neo Geo Mini. Ah, imagine. Imagine en fait, c'est un truc en carton, c'est comme bébé Switch en fait. Ça a monté soi-même. Mais bon, wait and see, comme on dit. Effectivement, on s'attendait pas à ça. Ça a l'air tout petit quand même. Ah, ça a l'air ridicule. Personne ne s'attendait à ça. Mais quand tu vois un truc comme ça, moi je regarde mes sticks Ori, je me dis, oh, ça peut être grand, mais quand tu vois les connectiques devant. Oui. Bah ouais. Voilà. Moi c'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi, mais bon. C'est vrai. Non, mais tu sais, moi je vois le truc, en fait, tu peux brancher aussi directement sur la télé. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais de toute façon, ça se branche sur la Neo Geo Mini, c'est une certitude. Voilà. Mais bon, on verra bien, mais je pense qu'il y a matière à bien rire. Dans le tweet, j'ai cru voir en fait ça mentionnait PC sur une photo. Ouais. Ouais. Il parle joystick mode, Neo Geo Mini ou PC. Ah ouais, d'accord. Ce qui expliquerait les quatre. Ah bah voilà, ce qui expliquerait les quatre boutons en trop en fait en façade. D'accord. Ok. Bon. Mais je vous dis, on va bien s'amuser. Quand on ouais, je pense aussi. Je ouais. pense qu'il y a moyen de bien rire. Ouais. Ça va être la séquence riant un peu avec SN Cup les morts. C'est ouais. ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Sans transition, une autre news rapidement. Un nouveau jeu Xbox Unreal Z qui a été retrouvé. Mm-hmm. Donc, c'est fabuleux ça. Petit mot rapide, le type place une enchère sur Yahoo Auction au Japon. Il remporte l'enchère avec une Xbox développement. Et quand il lance Xbox développement, pouf, dedans, il y a plein de builds d'un jeu quasiment terminé qui s'appelle donc Rebellious Bullet. Rebellious Bullet. Inconnu au bataillon, qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Un jeu breton. Non mais laissez tomber, je cherchais même pas à comprendre, vous allez vous faire un nouveau cerveau. J'allais dire un jeu pour mammouth, mais... Ah oui, donc, sur le coup, là je le vois le lien. Le jeu est dumpé, non. Vous en faites pas, je pense que tôt ou tard, si c'est pas déjà fait, il fera surface, on pourra y jouer ouais. sur notre Xbox. Voilà, bah, de toute façon, si vous voulez vraiment savoir, tu peux mettre le tweet. Mais j'ai mis le tweet dans le chat. Comme ça les gens peuvent aller voir directement et récupérer le dump. Sur le coup, sans transition de news suivante, monsieur Chou, tu nous rapportes donc la. On avait parlé il y a quelques semaines d'une série de jeux Konami qui se jouaient uniquement via un adaptateur sur la Famicom extrêmement rare qui avait été dumpé. Ah, oui. Il se trouve que l'adaptateur lui-même a été retrouvé et décortiqué par une équipe russe. Ce qu'il y a, c'est que les cartouches avaient été retrouvées, mais sans l'adaptateur. Ils ne pouvaient pas dumper les cartouches. Alors, apparemment, un groupe de hackers russes que je connaissais un petit peu parce qu'ils ont dumpé énormément de jeux, en fait, sans licence, entre guillemets, pour la NES. Et bien, en fait, ils ont dumpé le jeu dont on a parlé l'autre fois. Il me semble que c'était NHK Space Cool ou quelque chose comme ça. C'est dumpé sur leur site. Enfin, le site est dans le lien de la news qui est sur RetroRGB. Alors attention à si vous cliquez dans tout ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà en 2003, ils dumpaient déjà des jeux entre guillemets pirates sans licence pour la NES. Donc c'est les gens qui savent ce qu'ils font. Et de ce fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent essayer ces jeux. Ils sont téléchargeables directement depuis le site. Il suffit de cliquer, voilà. Pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit. Ça se fait facilement. Donc on est en 2019, on continue à trouver des choses et à continuer à surtout à conserver le patrimoine vidéoludique, y compris des choses extrêmement rares. C'est fabuleux. Est-ce que... apparemment, enfin, quand je dis que c'est un groupe de hackers, c'est surtout un groupe de collectionneurs de cartouches sans marque, on va dire sans licence, voilà. Et en fait, les mecs, ils savent comment dumper des trucs un peu bizarres, y compris même des fois des conversions de jeux disques système qui ont été mis dans des cartouches et qui sont amusés à dumper pour la science, on va dire ça comme ça. Donc les mecs, voilà, ils savent ce qu'ils font et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi que ce soit venu aussi de leur part. Ça évite aussi des petits malins qui essaient soit de vendre ces trucs ou alors de les garder pour eux-mêmes. Tandis que là, ben voilà, tout le monde peut jouer avec et c'est cool. Okay. Et donc, autre news, sur le coup, qu'on va compléter, parce que je suis allé directement chercher à la source. Il y a 8bitdo qui vient de mettre en vente des choses. Alors, je vais mettre un petit lien dans le chat. Ils avaient annoncé il y a un sacré moment. Directement sur la shop d'8bitdo. Donc, 8bitdo propose de transformer vos manettes rétro en manettes Bluetooth connectables directement sur tous les supports modernes. Ils vendent $20 pièce, des kits donc pour manette NES dit Dogbone, manette Saturn, PS1, Mega Drive 6 boutons, NES et Super Nintendo. Donc l'idée c'est que vous ouvrez vos manettes, vous remplacez le PCB et vous transformez vos manettes filaires d'origine en manettes 8bitdo Bluetooth compatible avec un peu n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Il y en avait déjà quelques-uns qui étaient déjà sur le marché, hein, le NES Famicom et je sais plus quoi. Non, NES et Super NES. Il y avait deux modèles, je crois, Super NES. Il me semble qu'ils étaient déjà sur le marché depuis un petit moment. Ah, je me souviens. Il y avait deux trucs pour la NES. Il y avait la manette NES normale et la manette NES classique, en fait, qui était dans la NES classique mini. Voilà, c'est ça. C'était déjà depuis un petit moment sur le marché, mais ils ont rajouté des modèles. Jamais testé. Ça me tente bien. Et l'idée, c'est que vous avez des récepteurs vendus aussi, donc pour transformer vos manettes en manettes sans fil. Donc, si vous voulez pourquoi pas, après sacrifier une manette, ça marche bien en plus. Moi, perso, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, ça fait mal au cœur. Mais bon, pour le peu que t'as une manette, genre le fil il est pété ou quoi machin. Ah oui, non, ça d'accord. Oui, oui non, après, une manette, je peux comprendre. Après, c'est vrai que des manettes toutes dégueulasses. Ouais, voilà. Quelque part, je pense que des manettes toutes dégueulasses, on en a au moins tous une. Oui. Donc voilà. Donc ça peut être l'idée d'en faire un petit projet sympa et voilà. Puis bon, faut bien comprendre que le Bluetooth, c'est pas la meilleure technologie pour jouer sur des consoles rétro aussi. Hein. Oui. Ouais, mais bon, moi, tu l'as testé, toi. Ouais, j'ai testé et ça marche pas mal, mais ça rajoute quand même un peu de lag. Hein. Oui, bien sûr. Vaut mieux des récepteurs radio comme ce qu'ont pu faire 8-bit Do d'ailleurs, on fait pour la Mega Drive. Et Krix aussi pour la Mega Drive. Pour l'instant, il y en a que pour la Mega Drive d'ailleurs, ces récepteurs-là. C'est assez marrant. Sur Super Nintendo, t'as pas besoin de cette célérité pour jouer. Presque pas. Ouais. C'est le Sega Boy qui parle. Ça dépend des jeux, mais c'est vrai que ça va moins vite sur Super NES en général. Ça va pour jouer à Mario Kart, t'as pas besoin de beaucoup de réactivité. Non. Absolument pas. Est-ce que c'est un jeu déjà, Super Mario Kart? Voilà, il faut se poser la question. Ça y est, c'est le moment Mario Kart. On s'est dit, tiens, on devrait inviter Antistar pour cette émission, mais on aurait vraiment dû le faire, je crois. Oh mon dieu. Là, mon avis serait déjà parti. Et fâché. Oui. Tu sais pas c'est quelle heure là. Je pense qu'on aurait eu une lettre de ses avocats, oui. Vu l'heure qu'il est, on va lui dire Ohio, peut-être. Je sais pas trop quelle heure il est là. Et donc, sur le coup, news suivante. Analog sort une nouveauté dont Moa va nous expliquer le principe. Oui. Accrochez-vous bien. on est devant l'objet le plus utile du monde. Donc, en plus, c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans un précédent podcast. Analog ont sorti un DAC, donc un convertisseur numérique vers analogique. C'est-à-dire qu'il prend un signal HDMI et qu'il le transforme en signal RGB, donc péritel. Enfin, pas péritel, mais un signal qui fonctionne pour un écran cathodique. Donc, c'est censé fonctionner pour leur Super NT, leur Mega SG, enfin voilà, tous leurs produits. Oui. Pour vous permettre de jouer à la Mega SG sur votre écran cathodique. Oui, voilà. Oui, à la limite, pourquoi pas. Alors, l'intérêt se discute. Pourquoi pas. Oui. Après tout, on peut ne plus avoir de Mega Drive, par exemple, et puis avoir une Mega SG, et puis avoir envie d'y jouer sur sa cathodique. Ça, pourquoi pas. Bon. Le souci, c'est que le truc, il coûte quand même 70 balles. Enfin, non. Non. Pas plus ? Il coûte 80 balles, pardon. Plus, pour le faire venir chez nous, je sais plus combien de frais de port, mais ça arrive à 115 euros de frais de port. Alors, 115 euros de frais de port... Enfin, pas 115 euros de frais de port, 115 euros au total, frais de port inclus. 115 euros de frais de port, ça fait mal quand même. La vache. Pour cette utilité-là... Même moi qui suis curieux, j'aime bien tester des trucs. Là, honnêtement, déjà, je passe mon tour. Rien qu'avec ça. Ensuite, le truc, il est vendu. Il n'y a pas de câble HDMI. Enfin, il n'y a que le câble USB pour l'alimenter, en fait. Il n'y a pas de câble RGB fourni avec. Sachant qu'en plus, ils t'ont sorti une... La prise, c'est pas une Péritel. C'est un connecteur D-Sub, donc comme pour les prises VGA. Et du coup, ensuite, pour mettre ça sur une Péritel, il faut un câble assez spécial. Les moins chers que j'ai trouvé pour l'instant, c'est 40 balles. Ouf. J'ai pas encore vraiment beaucoup cherché, mais c'est un que j'avais déjà acheté, en fait. Et je l'avais acheté 40 balles. Voilà. Donc voilà. Ça fait quand même... On monte à 150 euros, en gros, pour pouvoir jouer à la Mega SG sur un écran cathodique. faut en vouloir. Posez-vous quand même la question de si vous n'avez pas envie d'acheter plutôt une Mega Drive avec un Everdrive. Parce que bon, une Mega Drive, c'est quoi, entre 40-50 balles selon ou une les Super cas, Nintendo selon... et un Everdrive avec, c'est pareil. Hein. On sera dans... ouais. Parce qu'on sera plus ou moins dans... Voilà. Non, mais après, je me demande vraiment à qui il s'adresse. Je sais pas. Alors, fan, peut-être. À qui il s'adresse et tu demandes vraiment? Ah bah écoutez, regardez la chaîne YouTube Digital Foundry qui s'est paluché cette semaine expliquant que les jeux récents étaient mieux sur les tubes cathodiques que sur des écrans plats. Ceci étant dit, ça n'a pas été annoncé. Je vois pas ce qui empêcherait ce truc-là de prendre une PS4, un signal de PS4 et de transformer en RGB. Mais j'allais poser la question, en fait. Justement. Parce que si ce que Digital Foundry dit vrai, en fait. Ça n'a pas été annoncé comme étant compatible. Digital Foundry, ils font de belles choses bien, mais Digital Foundry, en termes de rétro, c'est un peu des extrémistes. Et surtout des gens qui n'ont pas des moyens limités. Donc, ils sont sympas. Mais dire jouer à la PS4 en PVM à 800 euros. Il nous expliquait que l'image elle est belle. Ouais, mais je me doute, oui. Voilà. Mais ouais, je me demande ce que ça peut donner, moi, en vrai, quand même. Mais bon. Ça fait cher pour savoir. C'est ça que je veux dire. Honnêtement, je trouve ça onéreux. Je vous dis, pour moi, le deal breaker, c'est vraiment, il n'y a pas le câble. Enfin, je veux dire, c'est l'ensemble du prix, quoi. Il n'y a pas le câble dedans. Oui. Donc, déjà, ça aurait été bien d'avoir une solution clé en main parce que je vous dis, c'est pas une prise Péritel. Il faut un câble un peu spécifique, quoi. Ça déjà c'est chaud et ensuite ça s'adresse à ceux que tu citais en premier aussi, peut-être qu'effectivement ceux qui ont une Mega SG et puis une Super NES veulent jouer sur une cathodique, pourquoi pas quoi. Mais après quand tu vois que même un gros bourrin comme moi je suis pas vraiment motivé. Bob de Retro RGB l'a testé. Il a eu à peu près la même remarque que moi. Il a dit, bon, en plus, lui, il a testé, il l'a eu gratos. Hein. Il a dit, mais en fait, je vais leur renvoyer parce que c'est vraiment un truc. Moi, je vois même pas pourquoi j'utiliserais, quoi. Ouais. Et il l'a eu gratos. Alors que lui, il a eu gratos. Ouais, ouais. Et que c'est un gros fan de. Il est un peu comme moi. Lui, dès qu'il y a un truc un peu excentrique, chelou qui sort, il faut qu'il l'achète, quoi. Ouais. Ouais, mais pourtant, j'arrive à deviner quand même. Si, que certains vous pourraient en faire. Quoi, si tu vois, on me dit ça marche avec toutes les consoles, je dis ok, pourquoi pas, ça peut être marrant de jouer à la PS4 sur un cathodique. Si on me dit on a merdé, on fournit le câble avec, je reconsidérerai la question. Voilà. Mais bon, c'est vrai que pour le prix. On en est à. Pour avoir un truc fonctionnel, hein, c'est 150 euros, hein, je le redis. Et puis surtout le plus gros problème, c'est que les cathodiques se font quand même de plus en plus. Voilà, c'est-à-dire que ça n'inclut pas le prix de l'écran cathodique. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Mais là je pense, là on part du principe que ceux qui seraient potentiellement intéressés par ça, ils ont un cathodique. Je pense que là-dessus. Sauf que les gens qui ont encore un cathodique aujourd'hui, ils ont encore des consoles analogiques. En fait, c'est là. Voilà. C'est un intérêt d'avoir un cathodique et d'avoir que des consoles analogiques. Ah bah oui. C'est ça le. Voilà, c'est ça le. C'est étrange. Le positionnement du produit est un peu étrange. Parce que je veux dire, une Mega SG, c'est... à qui ça s'adresse. Mega SG, c'est... Vraiment, hein. Ouais, une Mega SG Super NT, c'est 200 balles, enfin plus les frais de port, 230. Mais par contre, tu joues à ta Mega Drive sur ta cathodique. Sans lag, sans rien. Enfin voilà, là, oui, on dit oui. Non, là. Après, tu peux comprendre en plus le tarot par rapport à ce qu'ils ont fait, quoi. Mais je sais pas, bon... Faut qu'ils revoient leur prix, en fait. Pour moi, c'est le prix, quoi. Putain, à 50-40 balles, je le prenais, le truc, tu vois, mais là, pff, non. Non, mais ils ont vu comment leur console s'était vendue au tarif. Ça fait... 50 balles, tu le prenais, quoi. Alors attention, quand j'ai 50 balles, avec un câble. Hein. Oui. Ah ouais, avec le câble, hein, faut pas déconner. Enfin, je sais que ça coûte cher ces trucs-là, mais là le prix pour moi il marche pas. Après, je veux bien croire que leur FPGA et tout il coûte cher et qu'ils ont peut-être pas eu le choix, j'en sais rien, mais non, je crois pas. Ça fait 5-6 ans que ce que tout le monde réclame chez Analog, c'est faites la NT Mini, la NES, mais en mode abordable. En oui, mode pas qui coûte 600 euros. Et là, ils te sortent un truc comme ça où tu te dis. Putain, mais vous pourriez vendre encore des milliards de produits, enfin un milliard de produits de NES, et vous le faites pas. Pourquoi ? Ça me rend fou. Enfin bref, voilà. Mais sachez que ça existe. Ça sort en février. Ok. Voilà, février 2020. Bon, d'ici là, ils ont peut-être aussi le temps de rectifier le tir, non ? Je suis pas sûr qu'ils aient véritablement envie. On va pouvoir passer à un sujet moins polémique, parce que là, je vous ai entendu. Ah putain, je sais c'est quoi le sujet d'après, en plus. Ça sent le troll. Ça faisait longtemps. Ça faisait super longtemps. Et on en avait parlé il y a pas longtemps, on disait qu'on n'avait plus de nouvelles. On n'aurait pas dû. C'est vrai. Et voilà. Ah, Boss Dick. Donc, c'est un nouveau chapitre après la rédemption. Quel con. Billy Mitchell, récidive, repasse à l'attaque. À l'écrou. Je dois préciser, Boss Dick, il a mis le lien dans notre salon privé pour les news. Il a réussi à me faire cliquer sur un article de Polygon. Moi, je dis rien. Mais voilà, c'est quand même le pouvoir quand même. Quand on voit Billy Mitchell, on clique. On s'en fout de ça. En fait, Billy Mitchell, en fait, c'est le mec, tu vois, c'est un peu, comment dire, c'est un peu un étron. Mais par le pouvoir de ses avocats, il va dire « Non, en fait, je suis toujours une merde, mais dorénavant, vous allez me qualifier comme glace au chocolat. » Bon, je vais toujours avoir un goût de merde, hein, mais voilà, vous n'avez plus le droit de dire « Je suis une merde. Voilà. » C'est Billy Mitchell. Il est fabuleux. Moi, je l'aime beaucoup. Non, en fait, non, pas du tout. Donc voilà, notre ami Billy, il a décidé que finalement, eh ben, il allait attaquer en justice les personnes qui l'ont gentiment foutu dehors à cause de sa falsification d'un record de Donkey Kong. On rappelle que depuis, donc effectivement, il a prouvé devant des caméras Twitch tout à fait impartiales qu'il était parfaitement capable de réaliser ce million de points. Mais et là, sur le coup, on peut pas lui retirer ça. Billy Mitchell strikes back. Il a décidé de se battre pour sa réhabilitation, mais d'un point de vue judiciaire, manifestement. J'ai envie de vous dire, c'est un Américain. Ah, ils sont très procéduriers, mais lui... Et à mon avis, ça résume tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un gars de chez nous, quoi. C'est pas un galérien. Le galérien, il dirait, vas-y, c'est bon. Moi, je suis un crève-la-dalle, je vais rien lâcher. Le record, je vais le reprendre. Tandis que lui, il dit, non, mais en fait, le record, je vais le reprendre, mais par les huissiers, tu vois. Et je l'aime bien, moi. C'est vraiment un enfoiré. Ah, c'est un connard de première. Mais effectivement, il demande à ce qu'on lui remette tous ses scores sur le site. Une réhabilitation complète. 10 balles et un mars. Ben voilà, hein. Et au niveau du Guinness, c'est tout. Enfin, voilà, c'est ça. Ça rigole pas. Mais pour y aller avec des... Juste, vraiment, là, je vais faire un peu l'avocat du diable, justement. Mais pour y aller comme ça, c'est de front, sans retenue, quoi, carrément, tu sais... Il doit être un minimum sûr de lui quand même. Regarde King of Kong. Oui, voilà. Tu veux savoir comment il fonctionne, comment il est le perso, regarde King of Kong. Et je te promets, tu comprendras pourquoi il fait ça. Ouais, mais je veux dire, le film, il est parti pris quand même déjà aussi. Quoi. Pas particulièrement. Hein. Il te montre les faits, il t'explique ce qu'il a fait, comment il est. Et même lui se montre comme ça. Je dirais même, regarde non seulement King of Kong, mais regarde un peu la hiérarchie qu'il y a au niveau du site Twin Galaxies, qui à un moment donné, c'était un site, comment dire, c'était limite un fan site de Billy Mitchell. Faut pas s'en cacher. Comment il s'appelait le type qui validait les records, l'arbitre Walter, je sais pas Billy trop quoi. Mitchell. Non, quasiment. Mais le mec, t'avais l'impression, il voyait Billy Mitchell, c'était il voyait Jésus, quoi. Il se considère comme tel, Billy Mitchell. Il est sûr de lui. Pour lui, c'est le meilleur. Il a le droit de le faire et il le fait. Point. Il est imbu de lui-même. Après, quelque part, j'ai envie de dire, bon, qu'il fasse ce qu'il veut, c'est pas encore trop le problème. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que le mec, il est que ça à foutre. Mais il vit que pour ça, de toute façon. Mais il vivre que pour l'image et justement pour qu'on reconnaisse. Je pense que même au-delà de. Oui. Au-delà de l'image même et du fait qu'il ait prouvé qu'il soit capable de faire le score, oui, là, ça va plus loin que ça. Là, Mais c'est normal. Alors, je veux dire, là, je le défends pas. Hein. Mais c'est normal. C'est le record de sa vie, de son truc. C'est normal qu'il se batte jusqu'au bout pour ça. Sauf qu'il ait raison ou pas. La seule chose qu'il a prouvé, c'est qu'il a réussi à faire là, devant les caméras Twitch, son record. Il a pas prouvé que tout ce qu'il a fait avant, c'était de la merde. Ah oui, c'est ça. Et c'est ce que les gens lui reprochent. C'est ça le problème. Voilà. Oui, non, mais je. Oui, parce que moi, le premier, hein, je. Le combat de sa vie, moi, ça fait partie des choses que Billy Mitchell, dont Billy Mitchell parle apparemment. Il pense, d'après lui, il n'a pas eu la possibilité de se défendre et. Mais attendez. Moi, je veux bien, mais quelque part, je veux dire, il est quand même très particulier, ce monsieur. C'est un peu comme si on vous dit, on va vous dire, avant l'invention de la télévision, il y a un mec qui a couru le 100 mètres en 6 secondes. Et voilà, à un moment donné, si t'as aucun moyen de vérifier et d'authentifier le truc, quel crédit tu peux apporter à ce machin ? Surtout que quand tu peux l'authentifier, voilà. Tu le fais avec des strates maliennes. C'est tout le problème. Mais là, je comprends. Voilà. Mais je comprends qu'il se bat pour ça, parce que ce record-là, il l'aurait eu à quel âge ? Je veux dire, il était jeune. Dans les années 80, je crois, à un moment donné. Il y avait encore des records de lui qui datent des années 80. Ouais, voilà. Source. Mais c'était il y a 30 ans, c'est normal. Et quelque part, il y a aussi son pote, là. Comment il s'appelait le type ? Fred Rogers. Comment il s'appelle ? Todd Rogers. Le mec qui avait fait un record du monde sur un jeu Atari. Le record était impossible. Oui. Voilà. Et chez Activision, eux-mêmes, ils ont dû reconnaître la fraude. Alors que pendant des années, même chez Actipognon, ils l'ont couvert, le type. Donc voilà, à un moment donné, je pense que les dominos sont tombés. Si tu l'as jamais vu, regarde-le. Ouais, King of Kong. Si, je l'ai vu. Tu sais à quel point il est particulier, monsieur Mitchell. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu parti pris, parce que comme il le dit, il a pas pu se défendre et tout, ce qui est vrai. Il s'est défendu, sauf que quand on l'a prouvé qu'il avait triché. Il a quand même continué à dire non, c'est pas vrai. Mais je suis d'accord pour tout ça. Mais je veux dire, ça ne me surprend pas qu'il veuille se défendre, puisque je veux dire, c'est pour de vrai. Mitchell, c'est le Lance Armstrong du jeu vidéo. C'est un mec, pendant des années, il a fait croire qu'il était plus clean que les autres. Et quand il est tombé, tout le monde a vu à quel point c'était un sac à merde. Et maintenant, il essaie de revenir. Peut-être qu'il va nous faire le coup du Lance Armstrong. Peut-être qu'il va nous faire le... image. Et surtout, attends, rigolez pas. Peut-être qu'il va nous faire le coup du « il a rencontré Jésus dans son second bol de soupe » ou un truc comme ça. Hein. Je serais même pas étonné avec le personnage. C'est Jésus qui va se convertir à Billy Mitchell. Peut-être bien, ouais. Il va nous faire une Cat Stevens. C'est Billy Mitchell. Ah, et voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que la plainte vient de nulle part, que personne s'y attendait, mais véritablement personne. Il est arrivé, j'en ai marre. Et le mec, non seulement il demande à ce que ses records soient réinvestis sur Twin Galaxy, mais aussi dans le Guinness Book des records. Hein. Oui, dans le Guinness. Alors ça, quelque part, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quelque part, bon, que chez Twin Galaxy, ils n'ont pas d'avocat, d'accord, c'est possible. Alors par contre, mec, si vraiment tu veux t'attaquer aux mecs qui font le Guinness Book des records, les flottes bonheur. Hein. Surtout que c'est même plus les records du monde qu'il a fait, en fait. C'est Billy Mitchell. Je pense qu'il doute de rien. C'est lui en même temps. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est lui. Ça m'étonne pas. C'est le combat. Les cons House comme disait Audiard. Ouais, mais on parlait de la dernière fois, on disait qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. On aurait dû se taire. Ouais. On l'a invoqué. Bon, moi sur le coup, passons à la suite. De toute façon, vous en faites pas, on en reparlera si jamais. Certaines. Donc d'autres petites news qu'on a. Je voulais parler rapidement donc de la sortie confirmée en Occident, parce qu'il faut quand même le dire, des trois premiers épisodes de Dragon Quest sur Switch, qui seront donc disponibles le 27 septembre, manifestement, en anglais. Alors en anglais, et alors faites super gaffe en anglais, mais en anglais vénère. C'est de l'anglais, il y a des phrases qui sont littéralement de l'anglais ancien. C'est comme si on vous sortait un jeu en français, mais en vieux François, quoi. Ah oui, avec tous les mots en TH. Donc vous faites. Ah oui, so. Non, mais c'est donc faites attention, parce que faut avoir un bon niveau d'anglais. Ouais. Oui, et puis beaucoup de mots français, justement, dans cet anglais médiéval, en fait. C'est l'anglais de FFT. Ah bah c'est ça, l'anglais de la cour royale médiévale, enfin la langue de la cour, c'était le français. Donc il y avait beaucoup de mots français dans des trucs, et au contraire, même si on se dit « Oh bah il y a des mots français, ça doit être plus simple », pas du tout. Hein. C'est oui, parce qu'en plus, et en plus ça peut être des mots français, mais aussi vieux. Il y a beau y avoir du français dans certaines phrases, c'est super chaud à lire, hein. Vraiment. Déjà d'une, il faut en vouloir pour... racheter les Dragon Quest 1, 2 et 3 maintenant, donc, et les faire maintenant si tu les connais pas. Ouais. Donc pour en dévoiler un peu plus loin, donc les trois premiers Dragon Quest, c'est une trilogie, c'est une histoire qui se suit. Ils sont d'abord sortis sur Famicom, ils ont été adaptés en anglais à l'époque pour le marché américain, mais évidemment pas en France, hein, faut pas déconner, où il s'appelait Dragon Warrior là-bas. Là, on n'a pas les versions NES, on a les adaptations mobiles que Squaresoft avait fait, notamment pour le Japon. Graphiquement, c'est très rehaussé. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. C'est le truc super lissé comme ils ont fait pour les adaptations d'iPhone de leur jeu ? Non, là c'est vraiment les artworks ont été refaits, les ennemis ont été refaits, on n'est pas du tout Juste, dans. je précise, c'est que ces trois épisodes-là étaient déjà refaits à l'époque sur Super NES. Parce que le 1 et le 2 étaient sortis en compilation, le 1 et 2, que j'ai d'ailleurs, sur Super NES, et le 3 est ressorti aussi après tout seul. Et donc là, Ok. c'est encore une autre réédition différente. Voilà. Et ils seront disponibles non pas en pack, mais à l'unité. Il va vous falloir Non. dépenser quasiment une trentaine d'euros pour les acheter, Oh, les trois. c'est abusé, je pensais que c'était les trois quand même. Non, Il voilà. n'y a pas de petit Bon. profit. Il On n'y a aura peut-être jamais de l'occasion d'en petit reparler, profit. mais c'est là que, ouais, c'est un peu. Je suis un peu. Voilà. Alors, soit dit en passant, ils sortent le même jour que Dragon Quest XI S, qui arrive sur Switch. Voilà. La part de Square Enix, Il j'ai pas n'y son a chant. jamais de petit profit. Voilà. Et comme dit Bozic, alors je ne sais pas ce qui a été retouché par rapport aux versions originales dans les versions mobiles, mais si c'est les versions au niveau gameplay, des jeux originaux dans leur jus. Bah, c'est compliqué maintenant de rejouer à ces jeux-là. Ça reste des chefs-d'œuvre pour l'époque, ce qu'ils ont amené. Maintenant, Alors le 3 est c'est réputé dur. pour être le meilleur, hein. Enfin, un des préférés en tout cas, le 3. Oui, mais après, c'est toujours pareil. En termes de gameplay, maintenant, tu donnes ça à qui? C'est pareil, FF3 à l'époque, quand il a sorti sur DS, Ouais, mais les gens ils Dragon sont. Quest. Oui. Même nous qui aimons les jeux, tu joues maintenant? Oui, je suis d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans le remake des épisodes 1 et 2 et du 3 sur Super NES, les sprites des avatars, des monstres que tu fightais, c'était super joli. Ils étaient animés et tout, c'était vraiment du beau boulot. Hein. Je veux dire, c'était pas vilain. C'était Bah beaucoup, moi. ça a beaucoup mieux vieilli qu'un FF. Hein. C'est Après, pas moi, comparable. ce genre de truc, je serais curieux d'avoir des chiffres de vente, effectivement. Je serais curieux de savoir à combien ça va se vendre. Après, bah, c'est des portages de portage. Bah oui, non, Oui, mais je après, sens pas qu'il y ait beaucoup on est de boulot habitué, on est dedans. habitué maintenant. Ouais, non, non, ouais, bah oui. Ok. Donc, news suivante. Et Alors, news jamais suivante. de bol chez moi, Fly, c'est un magasin qui vend des meubles. Ou c'est une mouche en anglais. C'est ça. Oui. La mouche qui pète. La mouche. D'accord, moi c'est un titre de Blind Guardian, mais soit. Ouais, Monsieur c'est Chou, possible. tu voulais te parler d'une nouvelle borne d'arcade sortie de nulle part. Quoi? Où ça? L'Atari Mini. Oui, c'est toi qui Ah. nous as sorti la news. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai sorti la news et C'est j'ai toi. ouvert tout dans mon truc, sauf ce lien, ce qui est formidable. Alors, en recherchant un truc, mais quand je dis au pif complet, c'est j'avais une design d'ouvert, il me fallait un logo Atari pour tester un truc, pour un projet qui de l'an prochain, en octobre de l'an prochain. Je mets dans le chat. Je suis tombé là-dessus, dans Google Images, et sur le coup je me suis dit, what? C'est pas un truc officiel. Et en fait si, ça sort le 1er novembre. Alors par contre j'ai regardé depuis un peu plus près. Écran de 5 cm de diagonale. Bon, c'est purement à titre de lol, on va dire ça entre guillemets. Je pense que si ce truc, il y avait eu ne serait-ce qu'un petit câble composite à pour brancher sur une télé, ça aurait pu être un petit bidule rigolo pour Noël, tu vois. Bon, le prix était peut-être un petit peu fort, une trentaine d'euros. Mais c'est donc un Pong sous licence façon Neo Geo Mini. Voilà, vous avez l'écran. Et dedans, il y a Pong Breakout, Circus Atari, Off the Wall et Super Breakout. Donc c'est très rigolo. Et il existe une autre borne qui va être vendue au même moment avec Centipede. Alors je râlerai après, je lis d'abord les jeux qu'il y a dedans si j'arrive à les lire, mais j'y arrive pas. Pourquoi je dois râler sur ce truc? Centipede, ça se joue avec un trackball. Ils ont mis un joystick un peu dégueulasse dessus, donc voilà. Mais l'idée est intéressante pour une fois qu'Atari sort un truc pas trop trop moche. Après, faut voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai aimé, Centipede. Oh, pour ce tarif-là, je pense que ça va pas être Pour mal. le tarif, ça va, je pense que t'es pas volé, Après, mais. là où je suis admiratif, c'est qu'Atari, effectivement, en termes de produits et de bouffées à tous les râteliers, Ah, ils ils sont sont là, hein. fabuleux. Ils sont vraiment Voilà. fabuleux. Voilà. Par contre, moi, je trouve l'idée pas inintéressante. Par contre, s'ils avaient su. Ça fait des années que je le dis. Il y a des gens qui aimeraient rejouer à Pong une fois de temps en temps. Tu fais une soirée bière ou quoi, bière pizza avec les potes. Tu branches un Pong. Je le fais souvent, c'est cool. Et Radio Beer Pong. voilà, Radio Beer Pong, par exemple. Voilà. Mais pour le coup, que t'es un Pong à brancher sur une putain de télé HDMI, un putain de truc récent. Parce que là, le truc est intéressant. Ce qui manque, c'est une connectivité pour brancher sur autre chose. En plus, je la trouve mignonne, quoi. Moi aussi, j'ai vu le truc sur le coup, je me suis dit, c'est trop bien. Et en fait, ils ont repris le design, bon, pour la borne, ils ont repris le design de la borne, ce qui est logique, mais pour le packaging, ils ont repris les codes couleurs du packaging du Pong qui s'appelait le C100, je crois quelque chose comme ça, j'ai tapé en même temps, le Pong C100. Non, mais en plus, ouais, le coloris bois, c'est la 7800 qui avait le bois. Non, c'est la 2600. C'est la 2006. Donc, ils ont repris un peu le délire de la 2600 avec le bois, mais le dégradé de rouge, orange, jaune, c'est un truc qui était sur le packaging, en fait, du Pong C100, voilà, le C100, c'est bien non, ça. Non, mais après, ouais, moi, je trouve ça mignon. Et ouais, après, moi aussi, pareil. Hein. C'est 30 boules, quoi. C'est pas excessif, voilà. Petit cadeau de Noël. Ouais. Si vous savez pas quoi offrir plutôt que d'offrir une Pop ou une Wonderbox. Ouais. Le seul truc que je trouve, par contre, dommageable là-dessus, c'est que l'écran fasse que 5 cm de diagonale. Alors, j'en ai parlé mardi, j'étais chez mon cousin. Il m'a sorti un écran pour connecter un Arduino ou une connerie comme ça, qui faisait 4,5 cm de diagonale. Ah non, mais c'est tout petit. Je me vois pas jouer à Pong, surtout que le Pong Atari qu'ils ont mis dedans, c'est pas le Pong qu'il y avait dans les consoles Pong pour la maison. On a parlé de du Pong C100. Là, c'est le Pong arcade. Donc, tu peux pas changer la taille de la raquette. Donc, t'as les raquettes qui font 5 pixels. Ça risque d'être compliqué de jouer ça. Ah ouais. Mais bon, ouais. Enfin, ok. Voilà. Bon. Et si vous voulez offrir un truc avec un écran à quelqu'un que vous aimez pas, qui est bien chiant, achetez le dernier tool. Donc, ensuite, Kickstarter, parce que vous savez qu'on fait souvent aux gens de... tu sais que je t'ai entendu, hein. on conseille souvent les gens de Kickstarter des choses, et apparemment, un documentaire est Kickstarter en ce moment, alors je sais pas, c'est... Il faut demander aux gens de donner des sous, ou faut demander aux gens de gentiment éviter? Honnêtement, je sais même pas moi-même, parce que moi je vais pas donner, même si c'est un truc comme Monsieur Chou. On aime beaucoup le lien, chacun choisira en son âme et conscience. On aime beaucoup Jeff Minter. Moi le truc, ouais. Et Yamasoft. Mais quand je vois la somme qu'il demande pour faire le documentaire, sachant que lui-même participe, Jeff Minter, je pense que c'est pas ça, c'est qui va suffire à le payer lui. Je pense qu'il y a un paquet de monde qui ont un arrière-goût de pisse dans la bouche pour avoir acheté Tempest 4000. Sur PC, parce que je me souviens du trailer où Monsieur Minter jouait avec un spinner. Ils ont jamais intégré le truc pour que tu puisses jouer avec une souris dans le jeu. Donc voilà. Et quand il y a des gens qui le réclament sur Twitter, le mec il s'énerve, il pousse une gueulante. Donc bon. Donc là, il réclame 92 000 euros. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir voir Jeff Minter avec ses cheveux longs. Et avec un peu de chance, vous verrez des lamas dans sa Voilà ce que j'allais dire. Tu vas avoir une chèvre ou un lama, à mon avis. C'est ça, des trucs bien particuliers. Toutes les 20 secondes. Donc, je voulais qu'on en parle parce que Jeff Minter, mine de rien, ça reste une légende du jeu vidéo, même si maintenant. Bah, c'est devenu un peu n'importe quoi. Et qui fait n'importe quoi. Je me dis qu'effectivement, ça pourrait être. Surtout sur Twitter, d'ailleurs. Donc, ouais, voilà. C'est... voilà. Donc, écoutez, regardez, effectivement. Vous pouvez lire, entre autres, excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu à part Tempest 2000, Tempest 4000? Oui, il a fait aussi TXK, qui était le tube shooter en fait sorti sur Vita, personne s'en souvient. Et il a fait le remake de Polybius pour le PlayStation VR, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, enfin, non, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait énormément de jeux depuis 30 ans, qui a quand même cette aura, parce que ça reste... Et j'essaie de me souvenir, il a fait d'autres trucs aussi sur Commodore 64. Ah, ça m'énerve. Il a fait quoi, Grid Runner? Je vois écrit, il y a Grid Runner. Oui. J'essaie de me souvenir, mais... Mais oui, c'est la Polybus. Lamatron. Oui. Lamatron et Defender 2 sur Atari ST Amiga. C'est quoi son gros succès, alors, en fait? Il y en a pas vraiment... Si, Tempest 2000 sur Jaguar. C'est tout. Qui est, je pense, le jeu. Et l'attaque des chameaux mutants. Ouais, mais c'est un Star Wars avec des chameaux. Tu dis que c'est pas connu. Ça va encore. Ça vend du rêve. Oui, donc c'est pas, attention, ça, c'est pas Star Wars avec des chameaux. Moi, des chameaux. Voilà, c'est ça. Enfin, attention, tu as l'attaque des chameaux mutants, tu as Revenge of the Mutant Camel, qui c'est un jeu que j'ai d'ailleurs dans ma collègue. C'est comme ça que j'ai connu. Et je crois que tu as un remake de Revenge of the Mutant Camel sorti sur Amiga, Atari ST, auquel j'ai jamais joué. C'est ça aussi cool. Je vois les images, c'est hideux. Hein. Et tu as un jeu qui s'appelle Made in France, qui est fait par Jeff Minter sur Commodore 64. Je connais le nom, mais auquel je n'ai jamais joué. C'est un simulateur c'est de fabrication un jeu de sandwich. Non. Non, c'est un simulateur de fabrication de sandwich. Je suis fatigué. Je suis troublé pour citer Jacques Pradel. Juste pour dire, dans le Kickstarter, ils disent quand même que personne ne sait qui est Jeff Minter. Ce que j'avais dit, en fait, je vais le dire, effectivement, okay. Que 99,9% de la population... Il avait, je crois, participé à Druid 2. C'est pas lui, je crois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas quand même pas une ludographie... Non, mais enfin, je veux dire, pour les mecs qui ont eu un Commodore 64 ou un Amiga, ça, ouais. Ils ont forcément joué à un jeu de Jeff Minter. C'est une légende de l'époque. Après, maintenant, c'est d'accord. Et je voulais en parler parce que... ça ouais, ouais, ouais, non, mais je comprends moi, l'idée. Mais je veux dire, il les atteindra Minter. Pas, ces 92 000... Ah, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens... Même moi, qui aime bien Jeff Minter et qui me fait rire, j'ai pas envie de lâcher de l'argent. Bah, quand tu regardes les paliers, c'est un peu ridicule. T'as le palier minimum, c'est un bal. Bon, d'accord, ok, pour un bal, tu peux supporter le projet. Et ça passe tout de suite à 10. Tu peux avoir un truc intermédiaire, genre, voilà, entre... En plus de te remercier, on tirera les pompes sur Twitter ou un truc comme ça, un truc qui coûte pas cher, quoi, mais t'en es au moins un peu plus. Enfin bref, bah, tu sais, t'as une contribution à 4 000 $. Ah oui, j'avais pas vu ça, j'ai pas eu le courage de scroller. Il loue un théâtre juste pour toi pour que tu puisses sortir le truc. Hein. Mais on n'a pas entendu Beyond et Moa, vous connaissiez vous quand même, en vrai? Non. Allons. Ah oui, non, mais j'ai l'impression d'être seul parce que. Il y a que Bozdik et moi qui connaissent ici. Ah oui, voilà, moi je connais. Dans le Kickstarter, ils le disent, il n'y a personne qui se rappelle de Jeff Minter. Mais voilà, c'est ça, moi je connais pas. Hein. Ouais. Moi je le suis sur Twitter, des fois il met des trucs très bizarres quand même. Hein. D'accord. C'est un hippie. Voilà. Écoute, ah oui, mais totalement. Merci, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, le type, c'est vraiment en fait, l'archétype du hippie, quoi. Il y en a deux, on parle de Jeff Minter, mais il y a Ivan. Thorzine aussi. Oui, mais lui par c'est contre, vraiment... j'ai pas regardé exactement qui c'était. Lui, il est pas hippie, c'est pas le même genre de personnage. Jeff Minter, c'est Lama Soft, c'est pas. Tu regardes les lithographies en plus, le Kickstarter il est magique. Tu regardes les lithographies et tout. Je suis en train de scroller, je suis en train de regarder des trucs là. C'est sensationnel quoi. Le t-shirt Yak, tous. Oui. Tu regardes un peu les photos qu'il y a dans le Kickstarter, tu vois lui à côté d'un âne. Tu comprends pas pourquoi. Voilà, donc ne donnez pas d'argent, mais voilà, Jeff Minter est quelqu'un de bon, enfin voilà, ouais. Voilà. Donc passons à autre chose et nous on va rigoler dans d'autres coins. Voilà, donnez plutôt de l'argent à Exerve ou Oscar Le Maire. Alors, sans transition, notre easter egg de la semaine. Sauvez chez moi. Dans notre easter egg de la semaine, parce que c'est rigolo, petite vidéo rapide. Donc, la Mega Drive Mini arrive un petit peu plus tard que prévu en France, début octobre, parce qu'ils ont des petits soucis avec les stocks, mais bref, ça va arriver. Rapidement, on peut regarder la vidéo, c'est rigolo. Il y a une mini Sega Mega Drive Mini Tower qui est sortie pour ajouter à la Sega Mega Drive Mini un lecteur Mega CD avec une 32X. Et ils ont poussé le détail jusqu'à imprimer sur une feuille de papier le facsimilé de PCB d'intérieur de Mega CD. Quand voilà. Oui, c'est marrant. Ça. En fait, ils se sont dit, il y a forcément quelqu'un qui va l'ouvrir. C'est un peu ce que j'appelle le ratio de Monsieur Chou. C'est, tu sais que tu vas faire plaisir à une personne, mais tu dis, le mec, quand il va l'ouvrir, il va être à fond. C'est génial, ça c'est excellent. Ah ouais, ça m'a fait kiffer, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit ok, ça c'est super. Mais le produit est bien, ouais, je trouve ça rigolo. Ouais. Voilà, c'est rigolo. Et ensuite, top news rapide, donc 8BitDo met en vente les pads Saturn en version 2,4 GHz, donc sans. C'est pas 8BitDo, c'est RetroBit. RetroBit, ouh là là, j'ai dit bêtises, pardon. Et, oui, non, c'est important parce que ça va. Et donc, sur le coup, youpi du 2,4 GHz, c'est la qualité des pâtes Retrobit. Voilà. Je tiens à rappeler. Alors, on avait dit qu'effectivement, au feeling et tout, ça, on avait vraiment une manette Saturn dans les mains. Il se trouve que moi, j'ai quand même utilisé ma manette pendant 30 heures. J'ai pu le calculer parce que je faisais des runs avec et du coup, je sais combien de temps ça a pris. 30 heures. Et la croix directionnelle gauche a cédé. On pousse. Ah oui, c'est le petit plastique qui est tout minuscule là. Ouais, j'avais mis une photo sur Twitter. Et là, je me dis, merde, c'est pas solide. Alors que ce pad là, j'adore les pads sans fil en onde radio 2.4 GHz parce que justement là, tu sens pas vraiment pas la latence. Et j'adore ces pads, j'adore ce genre de pads. Là, pour ma Saturn, ce serait génial en plus pour ce que j'en fais en ce moment. Et je me dis, merde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis tombé sur un modèle défectueux et je fais confiance et je reprends un autre? Est-ce que... Voilà. Je sais pas. Mais ouais. le plastique était tellement fin là, quand tu le tenais avec ton index que ça fait vraiment cheap hein, quand même. Hein. C'est la cigarette. Ouais. Moi j'ai l'impression oui que c'est comme le pas de Saturne mais un peu tout au rabais. Ouais. Après, là, on est dans la même idée, parce que je suis en train de regarder, donc c'est dispo chez Castlemania. On est à 32 euros. Pour 32 euros, vous avez le pad, vous avez deux récepteurs différents, un USB et un Saturn pour la console originale. 30 balles pour. Enfin, ça va, c'est le prix. Est, franchement, correct. Le prix est correct. Bon, après, attendez qu'il arrive chez nous, parce que Castlemania, c'est un site canadien, je crois. Non. Si, il me semble que c'est en tout cas c'est en Amérique du Nord. On va en reparler d'ailleurs que ça m'énerve dans deux minutes. Bah, Amérique du Nord, vous aurez des taxes. Ouais. Site canadien, vous aurez des taxes plus des frais de port de bâtard. Donc attendez que ça arrive chez nous. Voilà. Et voilà, on va attendre que ça arrive. Pourquoi pas. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais parce que oui, le prix est pas excessif par contre. Hein. Vraiment. On met en garde. On est obligé avec moi de forcément mettre en garde contre la qualité de ces pads. Voilà. C'est plutôt ouais, quand on pète un en 30 heures de jeu, là j'ai pas le choix. Moi j'ai jamais cassé un pad Saturn comme ça. Donc, et moi j'ai des. Enfin, je veux dire, je pense, mais voilà, j'ai des pads Super NES qui datent de l'époque de la Super NES. Quoi. Ouais. Je suis pas un gros bourrin. J'ai jamais cassé C'était pas le même problème. Non, c'était pas le même problème. Pas un gros bourrin, je pense, donc. Voilà. Bon, donc, rapidement, les dernières news. Un combo Jaguar. Ah oui, alors, j'en parlais très très vite. En fait, il y a exactement 2 ans, un prototype d'un PCB de Jaguar, d'un duo, à savoir de Jaguar CD et de Jaguar, a été découvert. Et les petits gars de chez le forum Atari Age ont réussi à faire un rétro-engineering sur ce truc, et de ce fait, il y a des PCB qui seraient actuellement, je pense, en cours de production. Le problème, c'est que la Jaguar utilise circuits intégrés propriétaires, notamment les puces Tom et Jerry, mais apparemment, il y en aurait encore en new old stock, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas besoin de défoncer sa Jaguar pour récupérer ça. À voir ce que ça va donner, je sais absolument pas, mais voilà, j'ai trouvé le truc un peu rigolo. Et ils sont aussi apparemment pour parler pour un boîtier réalisable à l'imprimante 3D pour recréer le concept original du combo Jaguar plus le CD. Voilà. Okay. À voir. C'est quand même curieux hein, parce qu'il y a comme Sega qui avait tenté l'expérience et ça t'était plus ou moins bien passé. Enfin, voilà. Et ils se sont dit tiens, on va lancer le chantier ou. On sait qu'ils ont eu l'idée en même temps et qu'ils sont. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais, ça me semble Atari, bizarre. Hein, en même temps, c'est le Atari aussi d'une époque un peu obscure encore. Hein, enfin, ils l'ont pas sorti, mais je pense que c'est plus parce que la Jaguar a pas marché que parce qu'ils sont dit que c'était une mauvaise idée. Ils étaient peut-être aussi à court de pognon, hein, faut quand même avouer. Je dis ça, Nintendo a sorti 64DD hein, finalement. Oui, voilà. Pareil. Alors pour terminer, faux record, vrai record, félicitations à notre notre Hideki Kamiya préféré, le seul qu'on connaît en vrai, de chez Platinum, qui signe un high score présent dans le Guinness des records pour Ninja Kids Caravan Mode. C'est ça. Voilà. Il est ressorti sur Switch en fait, hein, si je dis pas de conneries. Et donc là, voilà, on a un vrai record authentique. Jusqu'à preuve du contraire. Je l'avais mis parce que c'est Hideki Kamiya et parce qu'on parlait de Billy Mitchell, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant. Voilà. L'anti-Billy Mitchell. Et enfin, je vous mets rapidement le lien dans le chat, j'en avais parlé plusieurs fois, donc je parle. La reproduction du jeu Metal Storm sur NES est en commande. Alors, attention, c'est là que ça va devenir très compliqué. Donc, le jeu qui est reproduit, le lien donne tous les liens que j'ai mis dans tous les liens nécessaires. Donc, le jeu qui est reproduit n'est pas la version américaine du jeu, mais la version japonaise du jeu avec la couleur du robot d'origine et les cutscenes d'origine qui a été traduite en anglais entièrement. Donc, c'est un jeu inédit, entre guillemets. On a une version, la version japonaise 100% traduite dans une cartouche américaine. D'autre part, le jeu est disponible en deux éditions, l'édition normale avec une cartouche grise classique à 45$ et l'édition collector à 70$. Et là, c'est là que ça devient tricky. Si vous la commandez chez Castlevania, vous aurez une cartouche bleu galactique. Si vous la commandez chez Limited Run, vous aurez une cartouche argentée métallique. Si vous la commandez chez Retrobit directement, vous aurez une cartouche bleue transparente. Donc, suivant votre préférence, suivant après les frais de port, les frais d'envoi, il n'y a pas de risque de douane, par exemple, chez Limited Run. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis chez eux avec ça. Chez Castlevania, je ne pourrais pas jurer. Et il est commandable directement sur la shop européenne de Retrobit. C'est toujours mieux que les cartouches de Megaman, la reproduction de chez... comment il s'appelait cela ? Cartouche Megaman X, où tu avais une chance sur 5 d'avoir la cartouche bleue au lieu de blanche. C'est un truc qui voulait rien dire. Là, voilà, là vous savez ce que vous achetez, voilà, comme coloris. Le contenu de l'édition collector, donc on en avait déjà parlé, il y a un beau manuel, il y a une statue, il y a un patch, il y a pas mal de petites choses dedans. Pour 70$, c'est relativement correct. C'est un jeu qui aujourd'hui coûte particulièrement cher sur le marché nord-américain, pour savoir sur US. Si jamais vous êtes intéressé, voilà, ça sort fin novembre, si tout va bien. Okay. Et donc. Monsieur Pell est bourré, hein. Je dis ça bien. Sur le coup, ça y est, monsieur Debol, ça y est, on va passer à notre sujet principal. Il y avait des impatients. Oui, on a encore fait une heure de news. En fait, je pense qu'il faudra un annonceur, tu sais, comme à la boxe, c'est Michael Buffer, en fait, c'est pour annoncer qu'on ait fini les news. Et ouais. Et donc, on va pouvoir parler de notre série préférée ou pas, je ne sais pas. C'est une série préférée, bref. Alors, je pense, moi, que. Préférée, oui et non. Ouais. Tout le monde aime la série, oui, quand même. J'ai envie de faire, comme d'habitude, un petit tour de table rapide pour savoir quelle est votre première expérience à chacun avec la licence Zelda. Voilà, de quoi vous vous souvenez, quel est votre premier souvenir avec la licence Zelda et avec quel jeu ça a eu lieu. Oula. Bon. Je suis en train de réfléchir. Pelle, parce qu'il sait, parce qu'il a préparé depuis 3 semaines. Jamais de bol. Tu es supportalisé sur le stream, pardon. Le premier épisode, hein, le Zelda, moi je l'ai découvert, moi j'avais eu la NES à sa sortie avec Mario Bros, donc Zelda a suivi direct. Hein. Et c'était obligé, parce que franchement, quand tu la voyais en cartouche dorée, tu savais que c'était une cartouche qui était quand même un peu spéciale, hein, tu vois. Et ça a été une claque, hein, évidemment, une claque. Qu'est-ce que le jeu était difficile, par contre, plus que je trouve que le deuxième, mais on en parlera plus tard. Mais j'ai adoré, voilà, c'était un coup de cœur dès le début, hein. Et c'est devenu la série qu'on connaît. Who's next? Moi, vas-y, moi. T'as découvert à quel épisode? C'est quoi, Zelda? Non. D'accord. Mon premier Zelda, je vais vous raconter l'anecdote totale. Hein. j'avais un jeu qui s'appelait The Mask sur Super Nintendo. Qui était un bon jeu. Il était pas mauvais. Je l'ai jamais fini d'ailleurs, je suis en train de me dire. Il est dur. Hein. J'ai jamais fini. Alors il y a une explication, enfin deux explications. La première c'était qu'il était dur. Et la deuxième c'est. Il y a un pote qui m'a dit ah, moi j'ai un jeu, c'est. Ça s'appelle Zelda. Si tu veux, je te le prête et puis toi tu me prêtes The Mask. Et puis. J'avais déjà raconté cette anecdote en fait, mais je la raconte pour ceux qui la connaîtraient pas, je le sais. Ouais, mais je me rappelle plus. Jamais revu son jeu. Et puis tu me prêtes The Mask et moi je te prête Zelda. Et puis bah, je fais bah ouais, ok, ça roule. Un nouveau jeu, moi j'étais pas contre. Et puis bah voilà, j'ai connu The Legend of Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo. Ah, Link to the Past! Ah oui, d'accord. Bah oui, là c'est plus sympa. Alors bon, pour l'anecdote, il a perdu mon jeu et du coup il m'a dit bon bah ça m'emmerde quoi, je te laisse Zelda, voilà donc voilà. Ah ouais, Link to the Past en échange de The Mask. D'accord. Et par contre l'échange est quand même pas mal. Hein. Ouais, bah ça va, oui. Bah surtout que du coup j'avais, enfin voilà, on s'était dit pendant une semaine on se le prête quoi, une semaine j'étais pas allé bien mais, loin. Tout dépend Mora, si ça a été un coup de cœur quand même ce jeu là. Je suis tombé amoureux de la série en fait. Ah bah voilà, ouais d'accord, ok. C'était vraiment pour moi, c'était vraiment l'aventure quoi, avec un grand A. Ouais. J'ai une anecdote aussi sur le premier Zelda, j'ai oublié de dire. Je vais juste finir que pour moi, je pensais on récupérait 3 médaillons, Excalibur, on cassait la gueule du méchant, c'était fini. Oui. J'ai halluciné quand on m'a dit ah ben non, attends, c'était le tuto ça. J'ai fait oh. Mais vous plaisantez, c'est juste le début du commencement. Ah, j'ai halluciné. C'était la pub, hein, pourtant. Oui, ça a fait la cassette vidéo Super Nintendo. Oui. Et voilà, j'ai. Les musiques, enfin tout, quoi. Trop bien. On en reparlera en détail après, hein, mais. Oui. Bon, toi, monsieur Chou. C'était Zelda 2, et j'ai pas aimé. Du tout. Mais je te promets. La touche ban. Non, mais quand je dis que j'ai pas aimé, j'avais racheté le NES à un de mes cousins et il y avait dedans bon, le combo Mario Duck, ça quelque part c'est le classique. Zelda 2 et aussi Ghost and Goblin. Oh putain, Ghouls and Ghost. Oh mon dieu. Mais ces jeux, j'ai essayé d'y jouer, j'ai essayé de. Voilà, non, c'est Ghost and Goblin. Possible. Ghost and Goblin, ouais. Je confonds toujours les deux. Mais le problème, c'est comment tu veux jouer à Zelda 2 quand t'as 6 ans ou 7 ans ou 8 ans même et que tu comprends pas un mot d'anglais et que t'as pas de solution. Tu fais comment? Voilà pourquoi j'ai pas aimé, parce que le jeu, je comprenais pas où fallait aller, 2 c'était trop dur, et 3 je comprenais que dalle les rares trucs qu'il y avait dans le jeu. Voilà, je pigeais pas. Et encore maintenant, j'ai essayé d'y rejouer il y a pas longtemps. Je me suis dit, ouais, bah vas-y, je vais essayer. Autant le 1, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait partie des jeux qui, de manière, il faut jouer. Mais le 2, non, je peux pas. Il y a des très bonnes choses. Il y a la musique qui est pas mal. Le gameplay est pas mauvais. C'est juste que la difficulté est trop mal dosée. Et puis voilà. Puis une traduction à la piste dont on parlera sans doute tout à l'heure. Toi, Bostik. Je suis en train de réfléchir. Je crois que ça doit être Link to the Past. Le Link to the Past, ouais. C'est soit celui-là, soit Link's Awakening. Parce que Zelda 2, je l'ai vu de très très loin, j'avais pas de NES. D'ailleurs, je vous spoil, le Bostik se fera bannir aussi, mais plus tard. Visage postérieur. Je le sais. Trop de bannis. Donc, je pense que c'est Link to the Past. Et qui m'a fait beaucoup de mal aussi, parce que c'était beau. Musicalement, ça tabassait. Ah oui. C'était ça, hein, Link to the Past. Ce qui marquait le plus, c'était quand même la bande sonore. Hein. C'est vrai que c'était... Ah bah, c'était un truc de ouf. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi ce rip-off de God and Axe Warrior? Et en plus, tu me coupes le pied sous l'herbe. Hein. C'était ce que j'avais préparé. Bah oui, mais on est tous les deux fans. Alors à toi, Mignon, vas-y. Hein. Non, parce que moi, voilà, mon premier Zelda, c'est God and Axe Warrior. Ouais, bah voilà. Le premier Zelda auquel j'ai touché, en vrai, c'est le premier sur NES. J'allais jouer chez des amis à moi qui avaient la NES avec Zelda. Le problème, c'est que on se battait, parce que le système de sauvegarde, à notre très jeune âge, en étant primaire, voilà, il n'était pas clair. Et c'était toujours, t'as pensé à sauvegarder, t'as fait ça, t'as fait ça. Et il y a toujours à un moment un qui oubliait de faire ce qu'il fallait, et on se retrouvait avec plus de sauvegarde sur la cartouche. Et ça se passait mal. Et donc, sur le coup, l'expérience avec Zelda, elle n'a pas été bonne, parce que il y avait toujours l'ami qui avait le jeu, qui ne voulait pas que tu joues, parce qu'il y avait la sauvegarde, qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, tout ça. Le premier jeu auquel j'ai vraiment pu jouer en longueur, du début à la fin, c'est Golden Axe Warrior. Par contre, le premier Zelda que j'ai joué et que j'ai vraiment aimé, c'est la version Super NES, Link to the Past. Ouais. Qui reste sans doute aujourd'hui mon épisode préféré. Mais je veux dire, il est intouchable, cet épisode. La LTTP, auquel j'avais joué d'abord chez mes voisins, qui avaient le Super Nintendo avant moi. Je pense. Et que j'avais acheté après, un des premiers jeux que j'ai acheté, quand j'avais acheté le Super Nintendo pack Donkey Kong Country, j'avais acheté en même temps Secret of Mana et le Zelda. Et c'était, je l'ai toujours encore aujourd'hui, complet. C'est l'édition en boîte rouge Nintendo Player Choice, ce Super Nintendo. Ouais. Ouais. Et je l'ai encore strictement complète. C'est celle d'époque que j'ai jamais revendue. Ouais, voilà. Ce que je voulais juste dire, justement, avec l'épisode premier en anecdote, hein, pour le Zelda 1 que j'ai joué, c'est que le gameplay était automatique. C'est un truc que tu avais plus ou moins suggéré, tu sais, avec les épisodes 2, hein, Monsieur Chou. C'est qu'il n'est pas évident, en fait. Il change beaucoup trop de choses. C'est vrai, hein. Je reconnais. Moi, j'adore le 2. Attention, hein, c'est pas le fait qu'il change beaucoup de trucs, c'est le fait que. Oui, mais il y a la pas merde, de... c'est tout. On n'a pas commencé à parler des jeux, Pally est déjà sur la défensive. Je reconnais les défauts du 2, même si pour moi c'est pas. Mais il n'y a pas le côté instinctif dans le gameplay. Tu sais, le côté des ombres noires qui te choquent pour les combats, machin et tout. Au début, c'est. Tu comprends pas, tu vois ce que je veux dire. Alors que Zelda 1, tout est fait pour que ce soit naturel. Tu vois, la progression, savoir que tu dois aller à tel ou tel endroit. Sauf que l'anecdote que je voulais dire, c'est que la première fois que je suis arrivé dans un donjon, tu sais, le donjon 1, tout le monde sait à peu près où il se trouve, hein, enfin, limite, peu importe, c'est qu'on chope une carte, d'accord, pour connaître l'itinéraire. Et ben moi, je pensais que là où ça clignotait pour avoir le trésor, c'était pas l'endroit où on rentrait dans le donjon, mais je pensais que ça correspondait à la zone extérieure du donjon. Il fait que c'est comme si j'avais transposé la carte de l'aigle, tu sais, qui formait un aigle pour le donjon 1, était en fait sur la zone extérieure du décor. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Oh. Non. Voilà. Ouais, mais là, je vais pas y arriver mieux que ça, donc je laisse tomber. Donc, voilà. En gros, ce que tu veux nous dire, c'est que t'étais paumé. Non, mais c'est exactement ça. Parce que quand la carte dans le donjon 1 te dit il faut aller là pour trouver la boussole ou je sais pas quoi, ou le boss, c'était indiqué le boss, hein, de toute façon. Et ben, je pensais qu'il fallait sortir du donjon et aller à l'endroit où indiquait la carte. Mais tu vois, je sais pas comment dire. Ouais, tu croyais que c'était la carte du monde, en fait. C'était une partie de la carte du monde. Ouais. Il fallait transposer les cubes de la zone du donjon à l'extérieur, c'est ça que je faisais moi. Ouais, ton cerveau début. Il a fait de la purée quoi, il a fait une crème. Non, mais je dis rien parce qu'il m'arrivait la même chose pour le système de sauvegarde de Mega Man X. Mon cerveau il voulait pas comprendre, du coup je pensais. C'est ça, enfin, c'est ça. Des trucs bizarres. Ce que tu veux dire, Pelle, et moi je l'ai ressenti, je le ressens toujours très fort avec Zelda 2. Oui. Le jeu, déjà, outre sa traduction, le fait que tu commences au début, tu as des personnages qui te parlent, qui disent des trucs au pif que tu comprends pas. J'ai toujours dit, le début, rien que le tout début de Zelda 2, tu dois aller dans un endroit pour trouver la bougie pour pouvoir éclairer les caves. Ah oui, on en a déjà parlé. Oui, mais là, pour accéder au donjon où il y a la bougie, il faut passer dans une cave sombre. Oui. Ça veut dire que pour aller chercher l'objet qui te permet d'éclairer la cave, il faut traverser la cave dans le noir. Oui, ce qui n'est pas logique, je le comprends. Bah oui. Voilà, le jeu, ça fait 5 minutes qu'il est commencé et déjà, j'ai envie de bouffer la manette. Oui, mais ça m'a. Alors, je comprends bien, mais ça m'a pas gêné du tout. Alors, absolument. Et alors, pour parler plus globalement dans des Zelda sur NES, lorsque Zelda est arrivé en 1986. Oui, je pensais que c'était 87, mais c'est peut-être 86. C'est 86, bon. Ce qui est dingue avec Legend of Zelda, même aujourd'hui encore avec le recul, et on dit ça souvent pour pas mal de séries, mais là je trouve que c'est vraiment très très fort, c'est à quel point le premier épisode pose déjà les bases de quasiment tout ce qu'on va retrouver dans les épisodes d'après. Oui, c'est vrai. Ouais. Des ennemis, le lore, les différents endroits de la carte, les principes, les objets, le premier plus que Zelda ça, est... oui. plus que ça, même l'atmosphère, le côté aventure, c'était vraiment l'aventure. Et ça c'est, bah, c'est Breath of the Wild qui le faisait le plus, même Wind Waker aussi, hein, je trouve. Mais vraiment, hein, c'est... Ouais. Il y a tout. Il y avait déjà tout dans le premier. Ah, mais le papa de Mario, c'est un génie. Hein. Oui. Et l'idée, c'est que voilà, enfin moi, je pense particulièrement à des endroits comme le Bois Perdu, qui fait partie de ces, enfin, entre guillemets, bijoux de programmation, mais il fallait y penser. Ah, oui, faire oui. Une partie de la carte qui boucle jusqu'à ce que vous preniez. Oui, et jusqu'à ce qu'on prenne le chemin exact. Il n'y avait pas ça déjà dans Super Mario Bros. Non. Si. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau dans Super Mario Bros. Le 4-4, je crois, c'est pas ça. Le 8-4 ou 4-4, je ne sais plus, c'est l'un des autres. Bouclé. Mais là, c'était intégré à une map générale. C'est-à-dire, c'était. Oui. Mais même l'idée. Après, le premier Zelda était complexe au point que, donc, à la version européenne, on avait droit à une carte à l'époque avec. Au recto de la carte, on avait une partie de la map monde, de la carte du monde avec des zones cachées. Et de l'autre côté de la carte, on avait la description des objets et grosso modo les indications pour arriver à avancer dans le jeu. C'est le premier jeu sorti avec un système de sauvegarde. Première cartouche de jeu sortie avec un système de sauvegarde. Mais ils connaissaient. Nintendo avait conscience quand même de la valeur de leur titre. Parce qu'il est. C'était pas anecdotique quand même, le fait que ce soit des cartouches toutes dorées et tout, quoi. Tu vois, c'était vraiment pour dire la valeur du jeu. Cartouches dorées, c'était que chez nous. Hein, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Au Japon, regarde, le jeu est sorti sur le système. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Sur une disquette jaune, quoi, donc bon. Ouais, mais ça veut bien dire qu'il l'avait vu quand même, de toute manière. C'était un jeu à part. Enfin, j'imagine. C'était ce que tu veux dire, Et après, le truc qui s'est passé, c'est que bon, tout était établi, le lore, donc comme j'ai dit, les ennemis, Ganon, la Triforce, les objets que Link récupère pendant toute sa quête, les bombes, les murs à bomber, tout était déjà là. L'épée à améliorer aussi, enfin, différents objets. Oui, les armures à améliorer aussi étaient là. Et le point le plus important, je trouve, aussi, enfin, un des plus importants, ouais. C'est cette impression de faire les jeux. En deux phases, systématiquement, tu vois. T'as toujours une première phase, puis une deuxième. Chose dans le... Tu sais, quand tu finis le premier Zelda, t'as un second monde qui s'ouvre à toi, tu sais, avec les endroits dégagés, comme dans Link to the Past. C'est comme ce que tu disais, moi, en fait, il y a un nouveau jeu après, quand t'arrives dans le Dark World et tout ça. À chaque fois, les Zelda, ils sont séparés en deux parties. Bah, c'est-à-dire, tu parles de la première quête et de la seconde quête pour le premier Zelda ? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui. Parce que autant la première quête est relativement abordable, quoique ça pique un peu par endroit. C'est-à-dire que ceux qui pensent que les Linel, ils étaient chiants que dans Breath of the Wild, non, les gars, non. C'était déjà pas rigolo à l'époque de la NES. Mais la seconde quête, elle, par contre, est beaucoup plus complexe. Oui. Et dans Ocarina of Time aussi, de toute façon, tu sais, quand t'arrives dans le côté, il spoil tout le podcast là. Non mais ces jeux qui sont en deux phases à chaque fois, en deux quêtes et tout, c'est un thème qui revient souvent dans les Zelda quand même, et ça c'est dès le début, quoi. Enfin, je trouve. Donc l'idée pour transitionner sur Zelda 2, dont on a déjà pas mal parlé, c'est que Nintendo, lorsqu'ils ont voulu sortir une suite à Super Mario Bros. Au Japon, ils ont sorti donc le fameux Super Mario Bros. 2 qu'on connaît sous le nom de Lost Levels. Et le truc, c'est que le public a accueilli ça de manière extrêmement tiède et mitigée, puisqu'on leur approchait à Nintendo de ne pas avoir innové, de s'être contenté de sortir en add-on avec des nouveaux niveaux. Et donc, sur le coup... Oui et non, hein, le jeu s'est extrêmement bien vendu au Japon. Oui, sur le coup, pour Zelda, ils ont adopté... le contre-pied total, c'est-à-dire que remis tout à plat et ils ont dit, eh ben, on va faire jouer les gens différemment. Oui, voilà. Et personne ne s'est tourné. Et quand Zelda 2 est sorti, je l'avais déjà dit, je me rappelle dans un autre podcast, c'est qu'il y avait une mouvance qui émergeait à ce moment-là. C'était le côté aventure, comme exactement à la même période. Ils voulaient copier en fait le système de jeu qui marchait très bien, c'était les Xanadu, les Is, voilà. C'est pour ça qu'à la même, année, on a eu le Faxanadu, on a eu le Simon's Quest qui prenait exactement le même système de jeu. Et du coup, il voulait faire que Zelda aille dans cette mouvance aussi. Donc, il a suivi toute cette logique, en fait. Hein. Voilà. Et il a donc suivi la fameuse mouvance de Simon's Quest qui consiste à faire des suites de merde. Oh là là là là. On va être clair, je pense qu'il n'y a que Pell ici qui va défendre Zelda 2. Ah mais c'est possible, je tout seul. Je le déteste cordialement. Vraiment, j'aime pas, hein. Je peux pas. J'ai jamais joué parce que j'avais pas envie d'y jouer. Je trouve le jeu pas clair, je trouve le jeu d'une difficulté absurde. Vraiment, à un point. La seule fois ces 30 dernières années que j'ai eu envie de rejouer au jeu, c'est. En regardant Mister MV jouer au jeu, je m'étais dit, bah en fait, c'est moi qui ai dû faire de la merde, le jeu semble pas si dur. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai éteint la console, j'ai dit, ok, va chier le jeu. Et je l'ai plus jamais rejoué. Jamais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est quand même fou que le seul Zelda qui innove est détesté. Mais c'est pas vrai? Oui. Non, mais par contre, par vous, mais. Le truc, c'est que. Enfin, moi, je vais juste. Quel est le chemin qui a été pris par la suite par Nintendo? Oui, est-ce que c'est pas le plus grand aveu d'échec de ce Zelda 2? Non. Qu'il était que dans ces suites, on n'ait plus jamais recommencé avec un système identique. Ben, c'est pas vrai. Parce qu'au final, c'est faux. L'héritage de Zelda 2, c'est quoi? C'est les épisodes CDI? C'est faux, la réponse demain. L'héritage de Zelda 2, c'est les petites séquences que tu vois dans Link's Awakening. Voilà, la réponse demain. Quand tu rentres un tuyau. Oui, non, mais voilà, la réponse demain. Mais non, mais c'est pas vrai. Le système de combat, c'est de diriger vraiment le système de l'épée des personnages. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des Zelda plus modernes, justement. Tu sais, avec l'épée... Avec Skyward Sword. Et puis, ouais, les limites, si tu veux, mais c'est vrai. Et puis aussi tout ce lore, quoi, le nom des villes, des personnages, non, par contre, ouais, c'est le plus riche en point de vue lore, je trouve. Mais vraiment, il y a tout là-dedans. Et c'est, mais le problème, c'est qu'en termes de plaisir de jeu et de gameplay, notamment les palais, c'est des purges. On ne sait pas où on va, on ne comprend pas où on est. Non, mais non, c'est pas compréhensible. Et en plus, on meurt, on a tout à se retaper. C'est juste. J'ai tellement l'impression de. Ah ouais, non, mais je n'y arrive pas. Je le trouve vraiment. Vous savez, on ressent la rage. Oui. Mais laissez parler de elle. Oui, quelque part, je suis assez d'accord. Le problème, c'est que le jeu n'est pas mauvais en lui-même. C'est juste qu'il est extrêmement mal foutu et mal dosé. Mais alors, c'est ça que je comprends pas. Parce que tu disais, Monsieur Chou, que tu trouvais difficile, ok. Mais moi, évidemment, je ne suis pas de mauvaise foi, parce que je l'ai déjà dit, que je trouvais le Zelda 1 plus difficile que le 2, moi. Et ça, je te promets, je trouvais Zelda 1 plus difficile. J'y arrivais pas. Tu vois, c'est... Est-ce que tu étais déjà revenu de Saigon à l'époque? Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que Zelda 2, ouais, non, il est absolument génial. Je trouve que, qu'en plus, Monsieur Chou, tu le soulignais, le gameplay, le personnage en lui-même, tu fais ce que tu veux avec, hein. Il bouge vachement bien, hein. Tu tapes où tu veux. Mais vraiment, c'est un système de combat, c'est surtout avec les bonhommes en armure orange, bleu et rouge, là, qui sont difficiles parce qu'ils mettent leur coup d'épée à deux niveaux, tu sais, avec leur bouclier. Et ben, quand t'as le truc, c'est super agréable à faire, en fait. Tu tapes où tu veux, mais tu sais pas où aller, donc du coup tu tapes pas vraiment où tu veux. Les musiques, les musiques sont pas vraiment critiquables. Je veux dire ça par rapport au premier Zelda, d'ailleurs. Zelda 1 sur NES fait partie de ces très rares jeux qui ont à peu près mis bout à bout 20 secondes de musique et auxquels tu peux jouer à peu près 8000 heures sans te lasser des 20 secondes de musique. Je sais pas comment il a fait ça. Pourquoi? Je comprends pas. C'est juste fou. C'est-à-dire que... c'est vrai. Par contre, dans Zelda 2, c'est un autre compositeur. Hein. C'est pas Koji Kondo dans le 2. Mais les musiques sont bien. Nakatsuga ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Ouais. Juste une dernière petite chose, tu sais, tout le monde le déteste. Les grands fans de Zelda, c'est souvent Zelda 2 qui revient en tête. Hein. Comme pour Roman Deal, c'est son Zelda préféré. Ou Antistar aussi. Hein. Après Link's Awakening. C'est parce qu'ils ont des mauvais goûts. C'est bizarre, Rappel, il y a eu des coupures avant de t'en parler. Après Antistar, il est parisien aussi, ça compte pas. Voilà. Et Roman Deal alors? Je sais pas, Romain Il a mauvais goût. Je sais pas, non. Mais c'est... non, mais il est... moi je l'aime beaucoup, ce jeu-là, parce que je trouve que c'est le plus riche. Et puis je me rappelle même des petits livrets à l'intérieur où le Link donnait... était autre chose qu'un petit gnome, quoi. Il était plus adulte. En fait, esthétiquement, il me faisait penser à Roddy le petit Cid, tu vois. C'était un vrai petit aventurier, quoi. Et je trouvais ça vraiment bien. Tu sais que tu vas perdre tout le monde avec cette référence à un dessin. C'est pas grave. Je le dis quand même parce que ça me parle, moi. Et puis, ça parle aussi, hein. Ouais, ouais. Et puis voilà, c'est quand même le Zelda le seul où tu visites plusieurs villes, disons. En tout cas, dans les premiers, quoi. Je veux dire, c'est quand même fou. Oh, plusieurs villes. C'est quand même rigolo. Il y a quatre maisons vides, il y a deux maisons où il y a des PNJ, et par ces PNJ, ils te disent I am Error, quoi. Ouais, je vois que tu l'as pas visité, alors. Je rigole, mais j'ai jamais joué au jeu, donc je peux pas. Il y a des trucs aussi un peu, comment dire, la mauvaise foi. Il y a les trucs que tu vois maintenant. Tu parles à une femme dans le village, rentre, je vais te redonner de la vie. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe derrière la porte, quoi, à un moment donné? C'est pour ça que ce jeu, moi, techniquement, j'arrive pas déjà à y jouer, et j'arrive même pas à le prendre au sérieux. Il y a tellement de trucs dedans, tu vois. Il y a des vieilles, hein, qui t'emmènent derrière la porte. J'ai oublié ça, merci. Je tiens pas à savoir ce qui se passe. Je comprends pas ce que vous dites. D'un point de vue rapidement de la collection, parce qu'on est le podcast du collectionneur, donc Zelda 1 et Zelda 2 sont sortis tous les deux sur Famicom Disk System. Le premier Zelda a eu droit à une ressortie en cartouche, le second, je sais pas, bonne question. Je pense pas. Non, c'est FDS, il me semble. Le premier a eu droit à une ressortie sur Satellaview, nommé BS Zelda sur Super Zelda, Famicom. Ouais. Qui est jouable relativement, qui a été relativement bien refait aussi à partir de scratch, de morceaux, qui est plutôt sympa. Les cartouches européennes, effectivement, les cartouches occidentales, de manière générale, étaient dorées. Existe des versions Player Choice des deux jeux, ouais, avec des cartouches grises. Oui. Et les cartouches Player Choice, les versions Player Choice complètes aujourd'hui sont plus recherchées que les versions dorées. Effectivement. Parce qu'elles sont plus difficiles à trouver. Voilà. Ouais. Il existe des dizaines de variations sur la boîte du jeu, entre des textes écrits plus petits, plus gros, à gauche, à droite, dans différentes langues. Il y a des gens qui collectionnent les variations de Zelda. Donc on veut, c'est pas un jeu qui est censé être extrêmement onéreux. C'est un jeu surtout qui est jouable aujourd'hui sur plein de supports. On les trouve sur, notamment sur le NES Online de la Switch. Oui, oui. Ouais, ça a été aussi, comment dire, ça a pas été aussi ressorti sur GBA aussi. Si, ouais. Dans les NES classiques. Oui, oui. Ouais, voilà, effectivement. Ok, et donc après, enfin, on arrive au fameux Zelda 3. Alors, on appelle tout le temps Zelda 3, mais je sais même pas si il a vraiment l'appellation 3 ou que ce soit. Hein. C'était la mode à l'époque. Ouais, officiellement, je suis pas certain qu'il... Parce que ni la version Jap, ni la version... Marqué nulle part, ouais. Y a pas, c'est vrai 3, qu'il le présentait, voilà, comme 3 à l'époque, des fois. Ouais, c'est vrai, mais c'était pas le cas. The League to the Past, quoi. To the Past. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a jamais eu de... C'est dans les magazines qu'on l'appelait Zelda 3, hein, plus ou moins. Oui. Oh, ouais. Non, mais la timeline de Zelda... Ouais. Oui, alors non. Oh là là, ouais. On va pas commencer à dire des gros mots. Voilà. Donc Link to the Past, alors là ça va être assez simple parce que je pense que c'est un jeu qui fait l'unanimité parmi nous. Je crois. Absolument. Exactement. Oui. Je veux dire, voilà, en pas... termes de quelque part, c'est pas Zelda 2, voilà. Non, mais en termes de rythme, de créativité, en termes de réalisation, même si c'est pas un jeu qui va te décrocher la mâchoire. Bah, c'est super propre du début à la fin, surtout c'est un jeu quand même qui est sorti assez tôt sur la Super Nintendo. Et il reprend beaucoup d'idées du premier, mais avec un système d'étages en fait, en plus, surtout, je dirais. Des palais, oui, bien plus complexes, sur plusieurs étages. Oui. Il y a l'histoire des deux mondes. Oui. Propose littéralement. Une nouvelle vision du monde du jeu, et puis il y a quelques énigmes basées là-dessus aussi, qui est plutôt sympa. Et puis la bande son. la musique qui tabasse, quoi. Parce que, ouais, ce que je disais, donc le jeu se décompose en deux parties aussi, t'en parlais plutôt petite belle. On va récupérer l'épée sacrée, on peut le méchant, il s'avère que, haha, plot twist, on se retrouve projeté dans le monde des ténèbres. Mais là, non seulement, du coup, te balance à la gueule que t'as fait un tiers du jeu à peine, mais en plus, on te balance à la gueule la musique du Dark World. Non, là, c'est là. Et alors, ouais, c'est ma musique préférée d'Elda. Hein. Ah non, mais je vous jure, moi, j'étais gamin, j'étais comme ça, mais je fais, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je me vois encore en train de sauter sur ma chaise, c'est en mode. C'est trop bien. Enfin, c'était fou. Il y a un truc que je comprends. Oui, vas-y, vas-y. Non, moi je disais, c'est surtout le bruitage du changement de monde qui m'a traumatisé. Ah oui, c'est vrai. Il faut jamais oublier ce bruitage-là. C'est vrai que par contre, celui-là, il est bizarre. Totalement distordu et tout. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils me font? Alors, je sais pas si c'est une légende. Je pourrais pas le confirmer, mais apparemment, la musique du Dark World serait la musique du monde du Zelda classique, hein, le même que dans le premier volume, mais à l'envers. C'est possible, ça, ou pas? Vous avez déjà entendu ça? J'ai pas testé, j'ai pas entendu ça. Mais je sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Je me dis, mais c'est pas improbable, quoi. Je ne commenterai pas, je laisserai la police faire son travail. Voilà. Y a l'aise. Mais bon, en dehors des musiques qui sont absolument génialissimes, la bande-son, quand même, aussi, avec tous les effets de d'écho dans les grottes. Rien que la stéréo du jeu, elle est excellente. C'est ce que j'allais dire, La stéréo, elle est ouf. Ouais, c'était une belle vitrine pour la Super Nintendo, vraiment. C'est ouais. Et voilà des trucs cachés partout. Des secrets qu'à l'époque, donc on s'échangeait dans les magazines ou entre nous, par le bouche à oreille dans la cour de récré. S'imaginer que c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Ouais, et pas de let's play sur YouTube. Et il y avait vraiment des... C'était peut-être une limitation technique sur là, je sais pas, mais il y avait aussi ces petits indices visuels où tu pouvais savoir que si tu plaçais une bombe sur ce mur-là, il y allait peut-être avoir un truc. Totalement. Ouais, ouais. Alors, certains diront, casualisation du jeu vidéo, ou alors peut-être juste ça rend un game design un peu plus clair, quoi, je sais pas, mais... Et tu pouvais avoir en plus une confirmation avec ton épée, quand tu tapais dedans, il n'était pas le même. Ah, et ça faisait creux. Et d'ailleurs, il y a un PNJ qui te dit si tu tapes ton épée contre les murs, tu vois, des fois ça sonne creux. Enfin, c'est... Ah oui. Tout est expliqué dans le jeu, quoi. Mais non, mais expliqué, c'est bien. C'était bien fait, quoi. Laisser aussi beaucoup de place à l'expérimentation. On avait, parmi les secrets les mieux cachés, la fameuse abeille dorée. Ouais. C'était un peu tendu à trouver. Il y avait cette fameuse poudre magique que, au début du jeu, on vous l'a fait utiliser une fois en mode ok. Mais vous pouvez l'utiliser tout au long du jeu contre des ennemis pour des résultats très intéressants. Moi, j'ai mis 20 ans à découvrir que l'espèce d'ennemi qui était des balles roses, une balle avec des yeux roses qui est entourée par 4 balles qui tournaient. Ah bah oui, alors... Ces ennemis-là, quand on leur jette de la poudre dessus, ils se transforment en fées. Ouais, et ça, par contre, moi, je l'avais découvert au pif, mais pas des one, mais quasi directement. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, moi. Je le savais même. Je sais pas si c'est un PNJ qui te le dit ou si c'est moi qui ai piffé un truc. Ah non, parce que moi je le savais même pas. Hein. C'est un moment. Non, non plus. Non, je savais pas. Hein. Non. Mais enfin, les pas. Mais ça m'a bien aidé, moi. Voilà. Après, donc pour des choses encore plus cachées qui ont été découvertes que bien plus tard, comme la fameuse Chris Hulian Home. Ah oui, ouais. Le fameux Chris Hulian qui avait gagné un concours. En Amérique du Nord pour avoir son nom dans le jeu et qui a une salle donc avec une pierre de Sasrala qui donne son nom, qui est accessible, qui a en fait une salle défaut où lorsque le jeu n'a pas le temps de charger des données, on se retrouve dans cette salle-là qui est une sorte de salle erreur, entre guillemets, de base. Et lorsque vous ressortez de la salle, c'est comme lorsque vous ressortez de votre maison au départ du jeu. Et pour y accéder, il y a différentes méthodes qui existent, qui sont assez faciles à faire. Oh là là, c'est une sacrée consécration, ça, d'avoir son nom dans un jeu de là, tu imagines. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est devenu ce fameux Chris Hulian. Si tu nous écoutes, bonjour. Voilà. Voilà, et après, et Glitch, évidemment, un jeu qui est adoré par les speedrunners. Surtout pour le plaisir de... Enfin, ça fait partie de le torcher en 3 minutes. Les runs ne ressemblent à rien. Vraiment. Ou là, on se dit, mais on se balade dans quoi là? Ben voilà, on est là, pouf, on sort de la map, et là, ça y est, le grand n'importe quoi commence. C'est ça. Ouais. Non, il y a... voilà. On peut finir le jeu donc comme ça en moins de ça, en 3 minutes, je crois que c'est l'heure de 2-3 minutes. Non, c'est encore moins que ça, c'est 1 minute 30 parce qu'en fait on a trouvé comment le faire ailleurs entre temps. D'accord. c'est... Voilà. Bref, un jeu que les joueurs adorent. Au niveau Legacy, entre guillemets, le jeu est ressorti sur Game Boy Advance. Alors, on a parlé la dernière fois de cette version qui est un peu plus faiblarde d'un point de vue technique, surtout d'un point de vue son, qui rajoute les bruitages de la version Nintendo 64 sur Link. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi, je suis assez moyen fan. Il existe, beaucoup plus moins connu, une suite au Japon, pareil, sorti sur le BS Satellaview avec le même moteur du jeu. Ah oui, bah Zelda DS, oui. Voilà. The Ancient Stone Tablets, qui est vraiment un des épisodes les moins connus et les moins référencés, puisque donc disponible uniquement via le système de téléchargement, avec la difficulté qu'on connaît à retrouver ces données aujourd'hui complètes, stables et exploitables. Et il est un des rares Zelda à avoir connu une suite directe avec Link Between Worlds sur 3DS. Qui a eu lui aussi droit à de super musiques. Alors ce sont les mêmes, remixés, mais le travail était formidable. Hein. C'était vraiment bien. Il est bien. Ben, en fait, même Between Worlds, j'ai trouvé bien, moi. Non, moi, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé aussi, ouais. Ouais. Ouais. Un bon petit jeu, ouais. Ouais, ouais. Bah, niveau... Surtout que ça soit un monde ouvert, quoi, c'était cool. Instant promo, Link Between Worlds qui fera la run de clôture de Bourg-la-Run 2019. Voilà. Instant promo, mais qui fait du bien. Ça dit Bourg-la-Run 2019, il y a beaucoup de Zelda en vrai, si c'est votre cam. Et salut Carotte, prends ta petite tisane, ta petite bouillotte, les petits vieux parlent. Les vieux parlent entre eux. Et donc, sur le coup, j'allais dire au niveau collection, Link to the Past n'est pas un jeu. C'est un jeu qui a pris énormément de valeur ces dernières années, mais qui n'est pas censé être un jeu cher. C'est un jeu extrêmement courant. Oui, malheureusement. Ouais. Il existe quelques versions un petit peu particulières, comme j'ai dit, comme la version avec la boîte rouge Player Choice, mais qui n'a juste que la couleur de la boîte qui change. La version dont tout le monde se battait un rein complet il y a quelques années et que beaucoup de monde recherche maintenant dans la fameuse version canadienne. Ah bah ouais. Oui, mais moi je la cherche depuis des années, moi. Avec sa cartouche NTSC 60 Hz, mais avec la traduction française qu'on a eue dessus, tout à fait officielle, avec une boîte et une notice qui sont également en français. Il y a des années que je cherche ce truc, mais purée, je trouve pas. Et au niveau rareté rare, il a été retrouvé il y a quelque temps et vendu par une boutique parisienne où notre ami Bell a ses habitudes, une cartouche prototype. Ah oui. Qui contient la version du jeu qui a servi pour faire la publicité à l'époque. Oui, en français. Et on le sait parce que l'écran titre est écrit, traduit en français entièrement. Ouais, oui. Alors que dans la version finale du jeu, le jeu s'appelle bien A Link to the Past. Le jeu, voilà. Ouais. Alors, on ne sait pas combien ça s'est vendu. Le chiffre a été tu. On a un très bon article de Florent Gorge dessus dans un des rétro laser qui est sorti. Voilà. Très intéressant à lire. Et bon, comme je l'ai dit, moi, c'est personnellement, ça reste sans doute mon épisode préféré. En tout cas, celui que j'ai le plus parcouru et le plus terminé. Vraiment, pour donner un indice d'ordre de prix, c'est quoi peut-être 30-50 € en loose, quelque chose comme ça. Voilà. Le problème, c'est complet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, complet, ouais. On arrive 100, à taper 50. Dans les 150 €. Voilà. Ouais. Quand il y a la carte et le fameux livret des conseils de ça sera là, qui est pas toujours présent. Les gens savent pas forcément qu'il existe. Hein. C'est quand je pense que c'est un jeu qui s'est changé dans les 40 € il y a une dizaine d'années, ça laisse rêver. Oui. Voilà. Complet, je parle, bien sûr. Bah, on pouvait le trouver dans des caches à des prix défiant toute concurrence. Hein. À l'époque. Et pour clôturer donc cette période 2D, c'est-à-dire la première ère de Zelda, bah celui qui ressort demain sur Nintendo Switch, bah oui, l'épisode Game Boy, Link's Awakening. Qui est mon jeu préféré pour plein de raisons. Moi aussi. Voilà. Qu'aujourd'hui, qui a acquis au fil des ans une certaine notoriété que beaucoup de gens aiment beaucoup. Et effectivement, vous n'êtes pas les seuls à dire ça. Je connais aussi d'autres personnes qui disent que c'est vraiment leur Zelda préféré. Pour moi, c'est mon préféré, parce que c'est l'un des rares jeux, à l'époque, avec Super Metroid, que j'ai fait de A à Z sans Solus. Pareil. Et j'ai mis 2 ans, quasiment 3 ans à le terminer, hein, ce jeu. Et c'est pas compliqué. À un moment donné, je pensais qu'il fallait farmer des rubis pour l'appel et puis d'autres trucs. Donc, le dimanche après-midi, chez ma mémé, je farmais des rubis, en fait, à l'infini. Ouais. Et je m'en lassais pas, je m'en foutais, quoi. Il y a pas mal de trucs j'adore. J'adore dedans la quête annexe avec les trucs à collecter et rigolote. Ouais. Les personnages, t'as un petit clin d'œil à Will White de SimCity. Ouais. La chose dedans que j'adore, quoi. L'ambiance générale du titre. Oui, voilà, c'est à la fois un peu loufoque et ouais, moi j'adore, quoi. C'est vraiment. Ouais, je trouve que scénaristiquement, il est. Oui, vas-y. Non, il est surtout très très poétique, quoi. Ça reste. Oui. Les musiques sont très rigolotes. Le concept de rêve, de cauchemar, moi j'aime. Ouais, mais évidemment, on dit pas. On dira jamais assez. C'est quand même un Zelda dans lequel Zelda n'apparaît pas. Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais il est plus riche scénaristiquement que Link to the Past. Tu vois, alors forcément, il est sorti après. Mais je trouve qu'il y a un effort scénaristique vraiment plus grand. Link to the Past, il y a beaucoup de choses qui sont simplement suggérées, je trouve. Tu vois, comme si tu faisais le jeu sans trop d'explications, même s'il y en a. Alors que Link's Awakening, t'as vraiment des étapes de scénario, quoi, avec des petits personnages et tout. Je le trouve. Et surtout, t'as des écrans cinématiques, quoi. Oui. Qui sont en plus. Magnifiques. C'est vrai. Ils sont vraiment magnifiques. Et t'as puis quelque part, puis quelque part, c'est aussi l'un des premiers jeux. Entre guillemets sur Game Boy où tu fais autre chose que assembler des briques ou des choses comme ça. C'est un jeu incroyablement riche et dense pour un jeu Game Boy, ouais, ça surprend. C'est clair. Tu dis en fait, putain, la Game Boy elle est capable de faire ça. Ouais, mais y a, au point qu'il n'y a pas d'autre équivalent sur Game Boy. Si, pour moi, Pokémon. T'as Mystic Quest. En termes de durée de vie et de ce qui est possible de faire dans le jeu, quand même. Autant Pokémon, c'est pas vraiment une série que je porte dans mon cœur, mais voilà. T'as Mystic Quest quand même, hein, qui posait. Ah oui, jamais fait cela, ouais. Enfin, ou Final Fantasy Adventure suivant où vous habitez, ou Seiken Densetsu suivant. Voilà, ça, c'est le même jeu. Qui se ressemble pas mal, hein, finalement, à Link to the Past. Le truc avec Link's Awakening, c'est qu'il arrive à la fois à être dense, profond, et à garder l'essentiel et avoir un rythme du début à la fin qui ne faiblit pas. Il n'est pas extrêmement long, mais il est toujours agréable. Il y a beaucoup de donjons en plus. C'était vraiment cool. Un donjon, il y en a 8, je crois, non ? Chevalier du Zodiac. C'est quoi ? Oui, le donjon, on doit casser des piliers. Ah oui. Et qui était d'ailleurs super bien vu. Il y a des donjons, ils sont assez particuliers en plus. Tu vois, par exemple, t'as un donjon, t'as un demi-boss où tu combats pas le demi-boss directement, mais tu poursuis en fait dans tout le donjon. T'as celui-là où tu dois casser des piliers, ça change carrément la topographie du donjon. Enfin, il y a surtout sur la fin, les donjons. Mais ça, tu casses des piliers, je trouve sensationnel. On a des mécaniques assez variées, quoi. Les moments où on reprend donc la vue de côté. Hérité de Zelda 2, comme je l'entends, mais non, hérité du premier Zelda, dans lequel on avait... Oui. On descendait, on remontait au plus bas. Et on bat même un boss avec cette vue-là. Le côté aussi, référence à Mario, tu sais, quand t'écrases des bonhommes... T'as carrément des Goombas et des Princes Piranhas. Des Goombas, des Princes Piranhas. Ouais, voilà. Et des Twomps, t'as même des Twomps. Hein. Mais alors justement, mais c'est là-dedans qu'ils apparaissent en premier, en fait. Mario Bros 3 était déjà sorti quand même. Mario 3, oui. Ah oui. Oui, il était déjà sorti. Je dis des bêtises. Oui, totalement. Oui. Non, mais après aussi, il faut dire que le jeu, il est beau. Il est beau. Mais clairement. Et le truc qui foutait la vraie claque aussi, je me rappelle, c'était la séquence d'intro. Hein. Elle était folle. Avec le naufrage de Link. Ah bah ouais. Et même la séquence de fin avec une distorsion. Bah oui. D'ailleurs, la fin, elle m'a pris au trip quand même, d'ailleurs. Ah, la fin, elle est sensationnelle. Ah oui, c'est émouvant. Hein. D'ailleurs, il y a une fin cachée. J'allais en parler, vas-y, moi. Non, c'est juste que si on finit le jeu sans faire de... Enfin, sans mourir, en fait. Voilà. On a un... On va dire un... petit ajout supplémentaire à la fin qui te peut te laisser penser que voilà, c'était un. Enfin, peut-être pas le spoiler pour ceux qui le découvriraient demain, mais. Autant la version Switch va vous faciliter en plus ces choses parce qu'il y a le petit compteur de mort qui est toujours là dans la version Switch qui vous dit où vous en êtes. Donc je suppose que la double fin doit être également dans la version Switch. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas. Elle y est. J'ai confirmation qu'elle y est. D'accord. Donc vous avez le petit compteur de mort sur votre sauvegarde sur Switch. Et c'est aussi donc à un moment dans le jeu, on a une référence à un ancien jeu Nintendo Game Boy qui s'appelle, alors attention en japonais, Kaeho no Tame ni Kane wa Naru, qui est donc un jeu qui est vachement sympa, où il existe une traduction en matrice qui s'appelle The Frog from Home the Bell Tolls. Voilà. Ok. From Frog the Bell Tolls, enfin bref, voilà. C'est un action RPG voilà, qui d'Intelligent System et de Nintendo R&D1 qui est ici sur Game Boy. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, jouez-y. La particularité, c'est que les musiques ont été composées par un certain Kazumi Totaka qui se trouve être également le sound director de Link's Awakening. D'où la présence de la Totaka Song dans la salle qui fait référence à ce vieux jeu Game Boy où on voit dans une salle un gars avec plein de grenouilles autour. D'accord. Qui est une référence directe à ce jeu. Et si vous attendez donc un certain temps sur cet écran-là, vous allez entendre la Totaka Song, y compris dans le remake qui sort demain. Ça fait partie des petites choses cachées dans le jeu sympa et des clins d'œil aux anciens jeux. D'accord. Ok. Et puis après, il y a eu donc le Link's Awakening, on pourrait en parler longtemps, de la sortie DX et de la seconde sortie du jeu sur Game Boy, même noir et blanc, où certaines choses ont été censurées, comme par exemple cette hippopotame trop dévêtue, ou la sirène. Cette sirène qui a perdu son bikini et qui finalement a perdu son collier. Oui, voilà. C'est vrai. Des changements. Alors, tout à l'heure, on parlait du prix d'un Link to the Past. Oui. Ma chère Maryse. Link's Awakening, aujourd'hui, fait partie des épisodes qui sont... qui ont beaucoup monté ces dernières années. En loose, c'est trouvable assez facilement, non, pas trop cher. Je sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un Link's Awakening en loose. Effectivement. En fait, c'est quasiment une trentaine d'euros. Hein. Ouais. Et alors, par contre, la version DX, elle. Elle doit valoir ce pesant cacahuète. Déjà, même en loose, hein, ça commence à piquer. Hein. Ouais. C'est quasiment. On est aux alentours de 25-30 euros pour la version de base. Et je crois que la version DX était facile à plus de 40 euros, si c'est pas plus. D'accord. Je sais que le complet DX maintenant en boîte et notice, à moins de 100 balles. Alors, par contre, aussi, une petite chose, si jamais vous voulez un Link's Awakening sur Game Boy, mettez-le dans une Game Boy et effacez la sauvegarde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui ont trafiqué leur sauvegarde avec un action replay et qui ont baisé le jeu à un point que même si on change la pile de sauvegarde, on peut faire ce qu'on veut. Le jeu, il y a des trucs qui sont corrompus dedans. C'était déjà arrivé, je présume. À moi non personnellement, mais j'en ai eu plusieurs qui m'ont confié des cartouches comme ça. Tout d'abord on m'a dit bah écoute, il y a un souci avec la sauvegarde. Bon, moi je me suis dit c'est un problème de pile et voilà, donc j'ai jamais trouvé la solution. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait remettre un action replay dedans, faire une manipulation, enfin bref, j'ai jamais vraiment compris exactement quoi et qu'est-ce. Si quelqu'un d'ailleurs, s'il y a l'un de nos auditeurs qui a la réponse, je suis curieux, parce que c'est l'un de mes plus grands mystères. Mais tu vois, c'est ça qui me faisait peur, moi, à l'époque, d'utiliser ce genre d'appareil. Je pensais que ça allait pourrir mes jeux. Mais en fait, là, tu viens de me dire que oui, là. Bah, en fait, le truc, c'est... J'ai jamais su si c'était, entre guillemets, un mysticisme des internets, ou si vraiment c'était vrai. Il n'y a personne qui est capable de donner une explication... Ouais. Et c'est à ma connaissance le seul jeu où il y a ce problème. Parce qu'après, le truc, c'est que évidemment, les action replay avaient des influences directement sur la RAM. Mais là, on a un jeu avec une sauvegarde. Ouais. Donc, je sais pas exactement ce qui se passe. Ouais. Bon, par contre, je vous rassure, faire glitcher la version Super Nintendo ne casse pas le jeu. Ben, j'espère. Non. Ce serait ballot. Je vais trouver un lien, mettre dans le chat. Ok, Et donc, après, on a passé là, on peut passer à la secondaire de Zelda, c'est-à-dire l'ère dite 3D, entre guillemets, même si sur le coup, on va aussi mettre, parler. Juste vas-y. Placer un mot pour les épisodes Capcom. Ben ouais, justement, ils sont pas là, ils sont beaucoup plus tard. J'allais dire, on va en parler dans la secondaire. Par contre, il y en a qu'on a oublié là. tu veux vraiment parler de Zelda CDI, c'est vraiment utile. Ben, je suis désolé. Il est mort de rire déjà, tu sais. Je suis désolé, mais les cinématiques sont légendaires. Les animations. Link parlait pour la première fois. Parlait. Voilà. En vrai, pour être tout à fait franc, Band of Gamelon et Face of Evil, bah ils sont pas si dégueulasses que ça. Hein. Bah en vrai, ouais. C'est juste la manette du CDI qui est tachée. Oui, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai deux manettes CDI différentes. C'est de la merde ces jeux. Oh. Tu sais que le jeu il est streamé de temps en temps. Tu connais le stream aussi. Mon cher Pell, dans un mois, tu nous feras un petit test de Faces of Evil et Wand of Gamelon sur un CD original avec le jeu original. Le vert, avec... c'est Wand of Gamelon. Non, vert. C'est Faces of Evil. C'est celui-là que j'ai joué parce que mon frère là. Tu vois. Et tu vas pouvoir y jouer avec deux manettes différentes et même avec une trackball si ça t'amuse. Mais bien, tu y es joué, je te dis. Avec une manette. Il y en a... j'avais le stick, la manette qui était en longueur, la télécommande avec le stick analogique au bout. Voilà. On était toujours jeté lisse, en fait. C'est avec ça que j'ai joué à Zelda. Tu vas pouvoir jouer avec une vraie manette et je veux t'entendre dire « Ah, mais finalement, ce jeu est bien avec une vraie manette !» Mais je le trouvais pas des vilains déjà la première fois. Moi, j'ai pas dit qu'ils étaient bien, j'ai dit qu'ils étaient pas si dégueulasses que ça. Mais oui. Je voulais juste insister aussi sur le fait que... Il y a le troisième jeu Zelda CDI qui est le seul jeu à bien porter son nom. Zelda's Adventure. Voilà. Parce qu'on manie Zelda. Alors, Zelda's Adventure, c'est rigolo, c'est vu du dessus, comme si c'était un Zelda. De loin, ça a la saveur de Zelda, on a l'impression, mais après on y joue et... Après, sur celui-là, j'ai pas d'avis sur la question, j'ai jamais vu tourner et je sais pas. J'ai jamais joué à celui-là, j'ai vu. C'est celui qui est en digitalisé, là avec les C'est en digitalisé. C'est comme toujours sur CDI, c'est pas très agréable à manier, c'est pas précis. Il n'y a pas de musique dans le jeu, c'est la tristesse, on ne sait pas où on doit aller, ce qu'on doit faire, c'est pas didactique, c'est vraiment. Et en plus, pour couronner le tout, ces trois Zelda vont coûter une blinde chacun à peu près, c'est-à-dire une demi-blinde chacun pour Faces of Evil et Wand of Gamelon, et une bonne grosse blinde pour Zelda's Adventure complet qui aujourd'hui se trouve à des prix un peu farfelus de l'ordre de, je sais pas, 300-400 euros. Ah oui, mais la blinde, elle est à combien la blinde? Non, après, parce qu'après, voilà, le Faces of Evil et Wand of Gamelon aussi... En parfait état aujourd'hui, ça commence à monter pas loin d'une centaine d'euros, hein, pièce. Ouais. C'est des jeux qui sont. Préciser pour ces deux-là, les jeux sont intégralement dans la langue de la boîte. C'est-à-dire, si vous achetez une version anglaise, vous n'aurez que l'anglais. Si vous achetez une version française, vous n'aurez que l'anglais. Si vous achetez une version allemande, vous n'aurez que l'allemand. Et je crois qu'il y a un doublage italien aussi, il me semble. Voilà. Ça fait rêver. Non, moi, j'ai que la version française. C'est plus facile à trouver en France, paradoxalement. Je n'ai jamais joué. Je ne connais que les cinématiques. Un jour, si je stream, je vous promets les premiers jeux que je... Non, faut pas que je dise ça. Non, dis pas ça, bien. Tu te fais du mal. Voilà. Tu te fais du mal. Parlons de Zelda. Voilà. C'est nouvelle ère. Et donc, bon, donc nous allions partir vers la secondaire de Zelda, c'est-à-dire l'ère 3D, ou comment Zelda fait partie de ces licences qui, à l'aube des années 2000... a réussi à se réinventer grâce à la troisième dimension et à le faire bien. Bah, plus que bien. Bah, à expliquer aux gens comment on fait un jeu en 3D. Fanboy Nintendo, là, c'est parti. Ouais. Lâchez les chevaux. Il faut être honnête, ils ont Miyamoto encore posé certaines bases. Ouais, mais exactement comme Mario 64. Ouais, hein, c'est ça. La légende de Zelda, l'Ocarina du Temps. Bah, jeu qui a... Ouais, effectivement, c'était un jeu qui était ultra attendu au tournant. De toute façon, après Zelda 3, dont on a parlé tout à l'heure. Soit dit en passant, le jeu est sorti 7 ans après Zelda 3. Voilà. Pour ceux qui disent aujourd'hui, c'est long de faire un Breath of the Wild 2, gna gna gna. 7 ans. 7 ouais, ans. C'est... Alors chez nous, c'était plus court parce que Link's Awakening est sorti en 93. Non, mais je parlais pas de Wings, je parlais de Link to the Past, vraiment. De la différence avec Link to the Past. Ah oui, ok. Ah, bah, donc oui, 7 ans. Ouais. Donc oui. Voilà. Oui. Et bah, en fait, je pense que parce qu'ils y ont vraiment beaucoup réfléchi, je crois. La mais porte. Il y a un nombre de donjons juste dingue. La porte. Ouais, mais c'est ça en fait. T'as pas mal de trucs. Et c'est pas genre par exemple comme dans Zelda 3 où c'est. Je trouve le prochain donjon. Je fais le donjon. Je vais au prochain donjon. Je fais le donjon, etc. Dans Link's Awakening, ils avaient déjà amené ça, cette recherche, cette exploration pour aller à un donjon vraiment où on parle à des PNJ, on fait des quêtes et tout. Et là, ils ont encore remis le couvert, quoi. Où, bah, entre, par exemple, le premier et le deuxième donjon, laisse tomber, c'est super long. Oui, parce qu'on a le virage Kokiri qui s'anime, on a les... comment il s'appelle le peuple du deuxième donjon? Bah, les Gorons. Les Gorons, là c'est ça au nord, je suis bête. C'est les Gorons. Oui, t'as tous ces peuplades, t'as le ranch Londlon, t'as le marché. Même dans le lac, il y a de la vie autour, mais non, il y a des PNJ. Et puis c'est après, un univers qu'ils ont créé, c'est pas un jeu vidéo. Tu vois. Je vais plus tard, le désert aussi. Enfin, voilà, c'est. Et après, oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, aussi en termes de mécanique de gameplay. Il a vraiment posé des bases de pas mal de trucs. Je vais peut-être dire des conneries parce que je n'ai pas une connaissance ultime de tout ce qui a été fait avant ou à l'époque, mais pour moi, c'est celui qui a inventé le lock dans un jeu d'action en 3D. Lock, hein. C'est possible que ce soit celui-là, ouais, t'as raison, moi. Ouais. Voilà, on lock un ennemi et du coup, la caméra suit toujours cet ennemi. Avant lui, moi, j'avais jamais joué à un jeu comme ça. Pour moi, c'est lui qui l'a inventé. Et mine de rien, les boutons contextuels, je crois que ça vient de lui aussi. Hein. Ça vient de Zelda, les boutons contextuels. Et c'est il aussi celui qui a inventé Navi. Il a inventé d'autres trucs, oui. Mais... les boutons contextuels et le lock, c'est des trucs, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une évidence. on se moque de Navi parce qu'évidemment, elle est pénible. Mais cela dit, en tant que tutoriel portatif, c'était quand même aussi une excellente idée. Quoi. Moi, ce que j'adorais, c'était cibler les ennemis. Et faire un coup de Navi pour qu'elle me dise son nom, comment le battre. À l'époque, c'était quand même nouveau, ces univers 3D. Il fallait quand même expliquer aux gens comment jouer. Ah non, mais c'est pas elle en tant qu'elle, c'est son bruitage. Oui, bien sûr, voilà. Après, la façon dont ça a été fait, ça aurait pu être plus léger. Hey, listen. Hey. Hey, Macarena. Alors, je vais confirmer mes mémoires. Donc, Kokiri of Time est le premier jeu à introduire le principe de viser Z, qui permet, grâce à la gâchette Z, de verrouiller un ennemi pour lui tourner autour sans avoir à s'embarrasser de problèmes de caméra. Voilà. Ah ouais. Donc le lock, c'est lui qui l'a inventé. Je dirais, le jeu qui invente le lock et le bouton contextuel en même temps. Ouais, c'est fou. Hein. Bon, voilà. On va pas batailler 50 ans sur son apport aux jeux vidéo modernes. Hein, c'est... Après, voilà, alors, moi, alors... Oui, vas-y. Non, vas-y, Bion, vas-y. Je m'en souviens, moi, vraiment, comme aussi une... Un des premiers Zelda, j'avais acheté le jeu quand il est sorti, j'y ai joué directement, et j'ai un ami à moi qui a joué au jeu en même temps que moi. Et petite anecdote, donc, on se retrouvait en TP de physique, on se mettait ensemble pour faire les TP de physique, et on s'échangeait nos avancées depuis la semaine d'avant. Parce que je rappelle que 1998, non, à l'époque, Internet n'était pas si répandu que ça. Et donc, sur le coup, c'était marrant. Et on en a tellement parlé que nos parents en ont entendu parler pendant la rencontre parent-prof. Le prof a demandé, mais ça va pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, monsieur le prof de physique de l'époque, monsieur O, qui s'appelait, s'il nous écoute. Monsieur O, le temple de l'eau, justement. Moi, c'est un jeu, je me souviens, j'avais eu des sous, surtout pour Noël, enfin, je sais pas, bref, pour m'acheter un jeu, et j'avais eu le choix entre Ocarina of Time et Banjo-Kazooie. Le choix. Et en fait, le truc, c'est qu'à cette époque-là, bah, j'avais fait Mario 64. Et justement, moi, j'avais peur qu'un Zelda en 3D, que ça marche pas comme Zelda 3 et que ça m'énerve. J'avais pris Banjo-Kazooie à l'époque. Je ne regrette pas du tout mon choix, hein. Attention. Bah, évidemment. Parce que c'était aussi un jeu excellent. Mais. Mais après, j'ai fait Zelda plus tard. Et je me suis dit, ah ouais. Ouais, quand même, j'aurais peut-être pu prendre Zelda. C'est... mais bon. Mais ouais, non, non, c'est le jeu marche bien. Enfin, je trouve. Et je sais que normalement, c'est le moment où je dois bannir Bozdik. Donc, Bozdik, il faut que tu dises des trucs parce que les gens vont pas comprendre sinon. Ah, que se passe-t-il ? Il dit des bêtises. Je déteste ce jeu, je n'aime pas. Oh, merde, les Zelda en 3D en général, j'ai. Je toujours détesté. Ah, ouais. Je déteste. Le jeu, je me suis fait chier comme un rat mort. Ah oui. Ah, tu trouves que le rythme est pas assez enlevé, toi ? Ouais, je me suis emmerdé. Et puis la 3D m'a. Ah, ouais. Je trouvais pas ça cool, en fait. Mais tu l'avais découvert à l'époque ou pas ? Ah, mais d'époque. J'avais un pote qui avait une 64, donc. Mais je sais. La chose qu'on peut toujours approcher à une 64 au jeu de l'époque, déjà, bon, c'est sûr, c'est le framerate et. Ah oui, ouais. Il a 3D relativement rudimentaire. Et surtout quand on redécouvre les jeux maintenant, pour ceux qui les ont pas eu à l'époque, bah ça a très mal vieilli. En fait. Ah bon ? Complètement. Si vous voulez savoir, je pense qu'il faut aller voir sur une certaine chaîne Twitch. Tout ça, je dis rien. Oh la vache. Allez voir 60 Forever sur ma chaîne, vous allez voir. Non, je sais pourquoi tu l'as pas aimé, Bozdik. Tu n'avais pas le kit vibration. Mais j'ai pas aimé quand même. Mais qu'est-ce qui s'est. Comment la pierre de souffrance, je trouvais ça excellent comme concept. Enfin, pardon, excuse-moi. Comment se fasse ce Bozdik ? Qu'est-ce qui a fait que. Enfin, déjà, tu y as joué quand il est sorti, tu y as joué après. Quand il est sorti ? Quand il est sorti, mais c'est la 3D. Moi, c'est l'environnement en 3D. Moi, attention, c'est un jeu que j'aime bien. Mais je comprends ce que Bozdik veut dire. Le jeu, je l'ai eu plus ou moins quand il est sorti. Et j'ai mis longtemps à accrocher. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé sans rire, hein, sans rire. Les 20 premières heures que j'ai faites dans le jeu, plus je l'avais eu à l'occasion d'un anniversaire, et donc c'était un mois où, comment dire, j'avais que ce jeu à jouer en vacances, mais les 15-20 premières heures que j'avais fait sur le jeu, je m'étais mais gravement emmerdé. Pour une raison que j'ignore encore, pour une raison que j'ignore maintenant, parce que, avec le recul, c'est vraiment un bon jeu. Mais il y a des choses que... Non, je pouvais pas. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Je peux pas décemment dire que c'est un mauvais jeu. C'est pas possible. C'est impossible. C'est juste que je m'emmerde quand j'y joue. Attendez, il y a peut-être un autre candidat au ban dans le chat avec nous ce soir. Monsieur Jamais de Bol. Monsieur Jamais de Bol, lui, il aime Zelda 2 et il aime pas Ocarina of Time. Donc lui, il a un combo gagnant là. Oula, ouais. Camoulox, ouais. Merci, Monsieur Jamais de Bol aime Zelda 2. Mais alors, je pensais que j'étais seul au monde, moi. Non, tu n'as pas ton manx. Mais non, bah après, effectivement, bah, déjà, moi, je comprends tout à fait que le passage à la 3D, du coup, t'as plus le même feeling en termes de jeu, et que du coup, tu comprends que ça plaise pas. Ça c'est. Et là, ça me rappelle un autre truc, moi, que tu souviens. Totalement compréhensible. C'est que les reproches qui avaient été faits sur Ocarina of Time, c'est que certains y voyaient une simple transposition de Link to the Past en 3D. Alors ça, non. Non, mais c'est un truc qu'on entend souvent. Alors, quand même. Alors ça, c'est des gens qui n'ont pas joué au jeu, parce que. Bah, évidemment. Oui, oui. Il y a des moments. Enfin, moi, je sais que dans Ocarina of Time, il y a des moments qui m'ont marqué beaucoup, moi, en termes de joueur. Notamment le premier palais de la seconde partie du jeu de Link adulte, qui est le palais de la forêt, où on a. Enfin, déjà, c'est immense. On a un chemin qui est beaucoup plus complexe que celui des premiers donjons. On a les fameuses salles qui se distordent. Ouais. Pour changer l'orientation des salles. Et ah, ça oui, se termine oui. En apothéose par le boss qui sort du tableau. Ouais. Mais c'est ce palais, c'est là que je me suis dit, mais waouh! Et des énigmes, enfin, où faut retrouver 4 fantômes. Le cheminement des donjons, là, c'est vraiment plus. Tu trouves une clé, t'ouvres une porte, tu trouves une clé, t'ouvres une porte. Là, c'est non, faut. T'avais vraiment un autre but dans ce donjon-là, quoi. Fallait trouver les fantômes, les détruire, ouais. Résoudre des puzzles. Le donjon du feu, après, fallait sauver les gorons et tout. Enfin, bon, c'était un peu une variante du je trouve une clé, j'ouvre une porte, les gorons. Mais l'habillage est différent. Le temple de l'eau, quand même, faut en parler. Quoi. Temple de l'eau, ou si tu le fais pas d'une traite et où tu suis pas ce qu'il faut faire, hein, tu peux t'arracher les cheveux. Ouais. Moi, je m'en rappelle du combat avec les deux sorcières. Ah oui. Et c'est là que tu vois qu'en fait, chaque petit point de détail, en fait, dans Ocarina of Time, c'est vraiment une idée géniale. Certains jeux miseraient un jeu entier sur cette idée-là. Alors que Ocarina of Time en fourmille, mais il y en a partout. C'est juste incroyable. Et puis il y a un grappin. Ah oui. Oui, accessoirement, oui. Et le fait de chercher les sculptes là, moi, c'est ça que j'ai adoré, je crois. C'est le truc le mieux et le pire. Il te manque deux sculptes là, t'es là. Mm-hmm. Elles sont chose, l'atmosphère un petit peu différente. Je l'ai trouvé beaucoup plus sombre que les états précédents aussi. Oui, je trouve aussi. Même si dans Link to the Past, tu vas carrément dans le monde des ténèbres. Ouais. Mais ça reste au côté cartoon. Là, ouais. tu vois des zombies, tu vois des trucs, quoi. Ouais, t'as le temple de l'ombre, hein, où il y en a. Ouais. C'est Dova, il disait. Enfin, il s'était pas chié dessus, mais presque, quoi, dans le temple de l'ombre. Parce que c'est. Et puis, tu sais, quand les effets de mort-vivant vont te voir en hurlant, là, leurs cris, là, et tout, et que ça paralyse. Ouais, c'est stressant, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et pour moi, c'est la prod. Ils ont eu là quand même la bonne idée de renommer certaines choses dans le jeu, notamment l'arbre, qui est Mojo dans la version Jap et la version française, mais il me semble que c'est... Ah ouais, il me semble que la version américaine, c'est l'arbre d'écu, c'est ça? Oui, l'arbre d'écouterie, ouais. Bon, ils ont quand même eu la bonne idée de renommer ça, parce que ça fait quand même un peu bizarre. Ça me fera toujours rire. Mais je pense que si c'était l'arbre d'écu dans la VF, Bozdik aurait aimé le jeu, tu vois. Peut-être. J'en suis sûr. On continue avec les anecdotes au moins connues sur Ocarina of Time. Il existe deux versions du jeu principalement, la 1.0 et la 1.1. Il y a des différences assez fondamentales entre les deux et surtout des différences pratiques. En Europe, on a le droit qu'à la version 1.1, basiquement. Ouais. Dans la toute première version du jeu, pour commencer, il y a la chanson du Temple du Feu, qui est utilisé le sample d'une prière islamique. Ah oui. Ah oui, fait que ça, je connais. Et sur le coup, dans la version d'après, ça a été changé. Ouais, bizarrement. Voilà. Et d'autre part, l'autre changement qui est extrêmement important, c'est que dans la toute première version du jeu, lorsque, à la toute fin du jeu, attention, je vais spoiler, Ganon vous met un coup et fait valser votre épée en dehors du cercle dans lequel vous l'affrontez. Si à ce moment-là précis, au moment où vous n'avez plus d'épée entre les mains, vous sauvegardez, lorsque vous reprenez votre sauvegarde, vous commencez avant d'affronter Ganon la première fois, sauf que vous n'avez plus d'épée dans votre inventaire. Ah merde. Et vous ne pouvez donc plus terminer le jeu. C'est ballot. Et donc sur la version 1.0 du jeu, c'est du soft lock à la fin du jeu. Ah ouais. C'est ballot. Alors, qui a été corrigé dans la version... suivante. Il y a un autre changement aussi, c'est les symboles sur par exemple les blocs. Oui, le changement de la musique s'accompagne aussi au changement de symboles sur les blocs. Voilà. Parce que là, avant les blocs c'était un croissant, alors on pouvait vraiment l'assimiler au croissant islamique, quoi. Ah oui, et d'accord. Ils ont mis un autre symbole un peu plus différent en fait. Voilà, c'est. Et il y a eu la Master Quest. Voilà, et donc ensuite les ressorties de Zelda Ocarina of Time. Il est ressorti, donc le jeu lui-même est ressorti sur GameCube en tant que bonus. Alors déjà, on va commencer par le début. En tant que collectionneur, la version particulière qu'il faut trouver, c'est la version qui est sortie aux antipodes, c'est-à-dire en Australie. Elle s'intitule Collector's Edition et a une cartouche dorée. Ah ah. Voilà. Elle, c'est pour toi. Voilà, donc ça, c'est, ça vaut son pesant de cacahuètes aujourd'hui. Le jeu est ressorti donc sur GameCube. Il était offert avec la première édition, la fameuse édition limitée, plus facile à trouver que l'édition normale de Wind Waker. Ouais. Et il était offert donc avec cette fameuse Master Quest. La Master Quest, c'est quoi la Master Quest? C'est une extension qui était prévue pour le 64DD qui n'est jamais sorti, dans lequel le jeu était remanié pour proposer une difficulté supérieure. Voilà. En fait, il s'agissait exactement du même jeu, avec les donjons placés aux mêmes endroits et tout ça, sauf que l'architecture des donjons avait entièrement changé à l'intérieur. C'était juste ça. Et changé, mais genre, il y avait des trucs cradins, par contre. Ah oui, voilà. Ça, oui. Là, par contre, autant Ocarina of Time est plutôt sympa au niveau difficulté, autant la Master Quest, ça pique. Ah bah, c'était le Lost Level de Zelda, hein. Ouais. Parce que t'avais des énigmes où fallait. Je me souviens d'une énigme où t'avais en fait un interrupteur qui était sous le sol et fallait juste se dire ah bah ouais, mais c'est... enfin, je sais plus, tu mettais une bombe et en fait avec le souffle de l'explosion, touchait quand même l'interrupteur. Enfin, il y a des trucs, c'était. Et en vrai, la meilleure façon, de, je pense, aujourd'hui, de découvrir l'Ocarina du Temps, c'est son remake 3DS. Ouais. J'aime ça. Ah oui. En 2011. Oui, qui est toujours... bah, qui est extrêmement agréable d'un point de vue graphique, qui a été bien refait une fois que vous désactivez le gyro, tout se passe bien. Hein, non? Si? Ah oui, oui, oui. Et... je pense que même encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est tout à fait... enfin, moi, pour moi, c'est un jeu qui est encore... qui peut se laisser découvrir, surtout dans sa version un peu plus... peu refaite. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, voilà, mettons-nous à la place des gens aujourd'hui, est-ce que vous, vous conseilleriez... Ah bah, moi, c'est... bah oui, clairement. Bah ouais, mais je suis pas objectif, là. Moi, c'est un classique, hein, c'est un jeu à faire, absolument. Même Boss Dick, il faut que tu te forces. Non, non, non, non, parce que j'ai réussi, t'inquiète, hein, je l'ai... Ça, on te posait la question, mais c'est vraiment tous les Zelda 3D, quoi, c'est mort. Il y en a... J'ai joué à tous, hein. Ouais, et il y en a aucun que t'as aimé. J'ai passé de très très mauvais moments. Ouais. Très très mauvais à ce point-là, c'est-à-dire c'est fort, surtout, très très mauvais. Surtout Skyward Sword. Ah ouais, mais... Skyward Sword aussi. Donc, pour continuer donc un peu plus en avant, il est sorti un second jeu sur Nintendo 64 qui est Majora's Mask. Bon, tout le monde le connaît. Là, c'est là où je ban Beyond. C'est ça. Je spoil. L'histoire de Majora's Mask, on la connaît, c'est celui qui deviendra plus tard le chef, entre guillemets, de la franchise Zelda, dit « Ouais, mais moi, je veux faire une suite, je veux faire un nouveau Zelda sur Nintendo 64. » Papa Miyamoto lui dit « Ok, d'accord, ben montre-moi ce que tu sais faire, mais t'as 2 minutes. » Bref, Majora's Mask sortira de manière assez rocambolesque avec un temps de développement réduit et aura des partis pris très forts. Là, je peux vous dire qu'il y en a eu du crush, là. aura des partis pris très forts, notamment un jeu qui est extrêmement sombre dans son, dans son narration. Un jeu qui ose une structure qui restera elle aussi unique dans la série, qui consiste donc à avoir un jeu qui se déroule sur une certaine période de temps, que vous allez pouvoir recommencer indéfiniment jusqu'à pouvoir faire les choses, sauver le monde, basiquement, dans les temps impartis. Et voilà, comme tu as dit, moi, je vais me faire ban, mais je crois qu'après Zelda 2, c'est l'autre Zelda que je déteste le plus. Oh mince, je pensais que t'allais dire que... Non, moi j'aime bien le jeu. Pelle, il comprend pas, tu sais. Tu peux pas dire bon ça alors que Skyward Sword existe. Skyward Sword, ouais, voilà. Skyward Sword, moi je peux pas. Non, mais Skyward Sword est plus agréable dans son déroulement. Bon, ok, non, mais là c'est bon, là. Non, attention, il y a pire, je pense que Zelda 2, voilà. Il y a le Zelda sur Game & Watch qu'on a parlé, voilà. Non, oui, je vais m'expliquer quand même. Mais souvent, honnêtement, je suis vraiment dérangé par la structure qui consiste à refaire plein de fois la même chose. Ça me dérange beaucoup dans la façon de faire et dans la façon dont ça t'est présenté. Là, justement, les aménagements qui seront faits dans la version 3DS rendront le jeu bien plus agréable, je trouve. Alors, je suis d'accord avec ta dernière phrase, mais la première phrase, et c'est des gens qui n'aiment pas ce jeu, c'est souvent pour cette raison-là, et c'est une raison bidon. Parce que le jeu, il est suffisamment bien fait pour que tu refasses pas tout le temps la même chose, justement. Bah oui, tu sauvegardes des trucs. Hein. Tu sauvegardes des progressions, tu sais, enfin... C'est pas... Oui, mais je suis d'accord que c'est une façon un peu, comme on dit, arbitraire de t'imposer un stress. La limitation des 3 jours. Comme ça. J'arrive à me situer dans les quêtes, dans l'avancement des quêtes, dans l'espace... Je n'arrive pas à me situer dans le temps. C'est pour ça que tu as un journal. Voilà, mais même avec le journal, je trouvais ça pas clair. Il y a des endroits, il y a des choses, je n'arrivais pas à les trigger. Je ne comprenais pas ce que le jeu me disait, comment faire. Ça m'a rendu plus la façon dont on perd l'argent, dont il faut mettre à la banque, la façon dont il faut, donc la version originale, surtout sauvegarder avec cette histoire de sauvegarde temporaire. Là, par contre... Le jeu, pour moi, il a pas bien vieilli sur 64 en vrai. Mmh. C'est vraiment, il avait vraiment des mécaniques un peu arides. Et... Ah oui, tu parles des mécaniques. Ouais, ouais. Et pour moi, la version 3DS, je fais partie par contre des rares qui trouvent que la version 3DS est meilleure que la version 64. Enfin, des rares, apparemment non, puisque Beyond aussi. Mais parmi ceux qui ont aimé la version 64, oui. Voilà, beaucoup disent que la version 3DS a dénaturé le jeu et tout. Ouais, c'est dénaturé. Ça le rend... Pour moi, ça le rendait vraiment plus. Moi, je dis que. Plus agréable. Bah oui, je dis que rendre des mécaniques qui étaient archaïques et désuètes déjà à l'époque, les supprimer, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais. C'est vrai que la sauvegarde, moi, c'est surtout la sauvegarde pour en parler, mais ouais, ça c'est assez violent comme. Voilà, il y avait un gap graphique par contre avec Ocarina of Time qui était énorme. J'allais en venir là. Le jeu a connu justement une carrière en demi-teinte parce que il imposait d'utiliser le fameux expansion pack. Ouais. De la Nintendo 64. Il était bien utilisé. Hein. N'était pas vendu avec. Contrairement à Donkey Kong 64 qui était vendu avec. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quand même ça a porté un peu préjudice au jeu. Non, je sais pas. Pas forcément un accessoire que tout le monde avait, l'expansion pack à l'époque. Hein. Ouais, ouais. Définitivement. Et puis que tout le monde mais comprenait ce que c'était en plus. Fallait. Ouais. Mais le jeu en lui-même, il en avait bien profité quand même. Parce que là, les textures sur les personnages, c'était vraiment bien foutu. Hein. Moi, ça m'avait marqué quand même comment c'était joli. Je pense aussi qu'il y a autre chose en fait qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas le jeu. Son côté sombre dans le point de vue de l'histoire. Il y a plein de choses que tu vas pas retrouver dans d'autres Zelda en fait. Ça, je suis d'accord. La fin du monde, comment dire, le côté je dirais presque un peu dépressif. Oui, t'as raison. Moi, c'est quelque part un jeu que j'aime bien, mais c'est un jeu que j'arrive pas à conseiller à d'autres personnes. Et en fait, hier, c'est rigolo. Qu'on ait ce débat encore une fois aujourd'hui. Hier, en fait, je parlais avec des kids et je disais à un gamin, il y a Link's Awakening qui ressort cette semaine. Et il y a des gamins, en fait, du groupe que j'animais, qui me disaient qu'ils avaient tenté de jouer à Majora's Mask et disaient que le jeu, en fait, ils le trouvaient il disait ça avec ses mots à lui, mais disait que le jeu était un peu glauque. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il n'y a pas que moi, en fait, qui a trouvé le jeu un peu. Un peu chelou par moment. C'est à croire. J'ai toujours pensé que l'équipe de développement, c'était des gens très tristes quand ils ont fait ce jeu. Il y a même carrément, les masques des trucs que tu mets pour te transformer. Oui. Parce qu'on n'a pas parlé, mais le principe du jeu, c'est vraiment tu collectionnes des masques qui vont t'apporter des pouvoirs. Et qui te permettront de progresser. Donc en plus des objets traditionnels, t'as vraiment des masques. Alors t'as certains masques qui vont te servir une fois dans tout le jeu, hein, faut aussi être honnête, mais ça fait partie de ça. Mais t'as carrément les trois masques principaux, c'est quand même les restes des cadavres, c'est des gens qui sont morts, hein, dont deux qui meurent sous tes yeux, quoi, presque. Il y a cette scène où tu pousses le Zora sur le rivage. Enfin, c'est limite traumatisant, quoi, parce que le Zora, il te claque dans les bras, littéralement. C'est des crocos dans la chat. Même le personnage qui vend les masques, il était effrayant. Le mec le plus flippant, je crois. Ouais, hein. Non, le vendeur de masques, c'est le gars le plus flippant. Quand tu vas le voir, il lève ta malédiction et il te dit, bon, c'est bon, maintenant, file-moi mon masque. Et là, t'as son regard. Super peur. Quoi. T'as pas mal de personnages qui sont très bizarres dans le jeu, Tingle par exemple. Bah Tingle, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est la première apparition de Tingle. Mais il restera après, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et le Skull Kid, c'est super triste quand même, quoi, son histoire, hein, déjà. Ah bah ouais. Ouais, tu vois, pour un Zelda, en fait, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas le jeu pour son côté un peu glauque, un peu. Mais ça l'est, t'as raison. C'est jamais pour son côté glauque que je vais pas, c'est vraiment pour ses mécaniques. C'est vraiment les mécaniques du jeu qui me bloquent complètement. C'est un jeu que j'aime bien, je l'ai fait à l'époque, mais j'arriverai pas à conseiller quelqu'un d'y jouer maintenant. Il y a tellement de mécaniques de gameplay qui sont étranges que. Comme tu dis, moi, il y a des façons de. Enfin, le jeu, au bout d'un moment, te permet de ralentir le temps, ce genre de choses, pour te montrer que finalement, la barrière du temps, c'en est pas vraiment une. Mais malgré tout, j'ai toujours ressenti, même pendant les palais, cette pression de dire que tu as un temps limité pour faire quelque chose. Alors, par contre, je suis comme toi, je n'aime pas. À partir du moment où tu me donnes un temps limité pour faire quelque chose, ça, oui, alors, Beyond... ça passe pas. Je me souviens juste pour parler là-dessus, la très mauvaise expérience que j'ai eue avec Dead Rising, où j'ai joué à Dead Rising, et au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais il me demande de faire un choix et j'ai pas le temps de faire les deux trucs. J'ai dit non, mais voilà. Mais justement, mais tu soulèves le point, c'est que moi aussi je déteste ça à la base. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé certains ateliers qui sont justement t'empêchent de faire d'autres choses parce que t'as un choix à faire en fait dans ces cas-là. Alors que là, pas du tout, parce qu'il suffit juste de remonter le temps. Et en fait, t'as le temps infini dans Majora's Mask. Pareil, le premier Pikmin aussi, qui est dans ce cas, pour moi. En fait, on a le temps infini dans Majora's Mask. Le premier Pikmin, oui, avec les du temps. Pas vraiment le temps infini, faut peut-être pas exagérer. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand t'as un palais en cours, t'es obligé après de retourner au palais, de recommencer. Franchement, honnêtement, ça m'est jamais arrivé d'avoir à recommencer un palais. D'accord. Bah oui, mais parce que c'est l'impression, c'est la pression que tu mets, que j'aime pas. C'est pas parce le parce que tu débarques. Enfin, je veux dire, tu fais toute la signing pour ouvrir le palais, t'arrives au palais, et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu reviens à zéro, hein, parce que faut pas être teubé non plus. Hein. Par contre, ça soulève l'autre point, le défaut du jeu pour moi, il y a que 4 donjons et puis c'est fini. Hein. Ouais, alors moi je dirais pas vraiment ça le défaut, mais le défaut c'est que par contre, je trouve les donjons pas aussi bien foutu que ceux de Ocarina of Time, hein, par exemple. Ouais. Je trouve. Pas au niveau. Mais ça restera quand même un Zelda qui est vraiment unique, avec une histoire vraiment particulière. Ah oui, il est unique. Le coin du collectionneur, alors c'est là que ça va commencer à pas être drôle. Ouais. Le jeu est sorti déjà aux États-Unis. Pour les gens qui avaient précommandé le jeu, ils ont une cartouche qui est assez unique, puisque le sticker dessus est ce qu'on appelle une machine lenticulaire là, qui consiste donc à avoir un truc en relief en fonction de l'orientation de la cartouche. Ah ouais, c'est comme sur la jaquette du Ken le survivant de... Voilà, qui déjà n'est pas extrêmement courante. Et puis après, la version européenne est sortie dans un superbe packaging limité, numéroté, qui vaut plusieurs milliers d'euros aujourd'hui, complet, en parfait état. Dans lequel vous aviez un t-shirt, des pins, la BO. Ah oui, ce truc-là, effectivement. Voilà. Superbe coffret limité à l'époque. Moi, je suis passé complètement à côté, à mon grand désespoir. Par contre, ma chère Maryse, le jeu en lui-même, c'est pas si excessif que ça, en fait. Hein. Le jeu avait été monté, et en fait, quand ils ont ressorti le remake sur 3DS, il a un peu fait plarf, quoi. Effectivement. Voilà. Parce que là, j'en vois moins de 80 balles complets. Il était vendu avec un expansion pack, lui, ou pas? Non, pas en Europe, en tout cas. Non. Les États-Unis, c'est pas en Europe. En Europe, c'est Donkey Kong qui était vendu avec expansion. Ouais. Donc, ouais, on peut même en trouver à 35 euros en loose, voilà, pour ceux qui le veulent. Mais honnêtement, le t-shirt de l'édition collector, il y en a un en vente actuellement aux enchères sur eBay, pour ceux qui veulent. C'est vraiment un jeu. Préférer les aménagements de la version 3DS, ça rend vraiment le jeu plus agréable et plus sympa et plus clair, on va dire, dans ses objectifs. Moi, je pense vraiment que la version 3DS est meilleure, sauf sur un point. Ah. La nage. Ah. Nage de Link sur 3DS, je sais pas comment ils ont fait, hein. C'est de la merde. La nage de Zora, pardon. La Zora, oui. Ah oui, je sais pas comment. Mystère. Et ok. Et donc sur le coup, on va pouvoir. Quel chant de l'apaisement, quoi, putain. Majora's Mask. C'est un Zelda qui divise. Et on va continuer avec les Zelda qui divisent. On va donc évoquer les deux premiers Zelda confiés à Capcom, dont tu voulais parler, Buzz Dick, tout à l'heure, qui sont l'Oracle des âges et l'Oracle des saisons. Qui au départ donc n'étaient pas deux jeux, mais trois. Il faut le savoir. Et finalement, ils ont annulé le troisième jeu, ils n'ont sorti que deux jeux. Et qui aurait été l'oracle de quoi ? Il s'appelait Mystical Seed of Courage. Voilà. Parce qu'en fait, le thème de Season, c'est en gros la force. Donc ça va être un truc plus basé sur les combats. Le thème de Age, ça va être plus donc l'esprit. Attends, c'est quoi les Triforce déjà ? Force, courage et sagesse. Donc la sagesse, donc plus basée sur les énigmes. Et l'autre était censé être le courage, mais je sais pas comment se définit le courage en termes de gameplay, quoi. Et je donc sais... il manque la Triforce de Link, carrément quoi. C'est, alors c'est pas l'histoire de la Triforce, mais c'était le principe quoi, avec les 3DS, enfin les noms des et 3DS. Et c'est pour ça qu'ils avaient créé donc le système de lien entre les jeux, avec les codes et tout ce genre de choses, qui ouais. permettait de faire les jeux les uns après les autres en récupérant une partie des ouais. données. De alors justement, Boss Dick, toi qui aimes pas la 3D, tu les as fait ceux-là ? Oui, et j'en ai chié. Parce que je pense que c'est les Zelda les plus durs auxquels j'ai joué. Les plus durs ? Durs, je les trouve. Ouais. Durs. Avec un cheminement des fois pas très clair. Je vais aller abondamment dans ton sens. Je les ai trouvés pénibles. Dans oui. Moment. Oui. Dans le déroulement, dans le chemin à prendre, dans, comme tu dis, j'ai vraiment souffert à certains moments. J'étais littéralement perdu dans les jeux tellement ils sont complexes. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie des rares Zelda en 2D. Bah, je crois même c'est le seul épisode que j'ai pas terminé. Parce que ça m'a gonflé. Ah, salut, je vais mettre bonne nuit. Tiens. Oui, je les ai terminés les deux. J'ai fait vraiment l'effort, mais ça s'est pas bien passé. Bon, là, c'est là que Pell arrive et qui défend les jeux, normalement. Non, j'ai pas trop eu d'accointance avec ces deux jeux-là. Ah bon, bah je le fais, alors. Moi, j'ai trouvé super bien les jeux. Ouais. Bah ouais, moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je les trouve bien, mais... Non, en vrai, Ils sont cotons. En vrai, le problème, c'est surtout qu'ils passent après Link's Awakening. C'est ça, en fait. Mais je trouve que c'est pas des mauvais jeux, mais bon, ouais. Bah, en fait, et ça rend pas mal de graphisme en fait de Link's Awakening en fait, aussi. Hein. En fait, là, contrairement à ce qu'on... Ils ont pas une identité aussi forte que tous les Zelda qu'on a cités précédemment. Ouais. Et oui, moi je les ai trouvés bien foutus. J'ai passé des bons moments sur les jeux. Mais... C'est Link's Awakening... Enfin, en moins bien. Je trouve que l'histoire est moins bien foutue. Il y a pas mal de choses dedans que... C'est plus fouillis. Et alors, pour parler de fouillis, mais le système de Link entre les jeux, il est super chelou. Hein. Parce que tu finis un jeu, on te donne un code, et le fait d'avoir eu un code, on te dit en gros, mets-le dans l'autre jeu. Tu commences une partie dans le jeu avec ce code-là. Et là, dans ta nouvelle partie sur le nouveau jeu, on te met à te donner des codes, mais pour l'autre jeu. Ok. C'est un bordel. C'est les poupées russes, en fait, le jeu. Un bordel pas possible, quoi. Donc, mais après, tu peux avoir la vraie fin, true ending. Ça, je trouvais ça sympa. Mais en fait, c'était un peu... assez décevant, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. T'avais le sentiment de finir le jeu, mais tu t'attendais à un truc encore plus... Enfin, plus ouf, quoi. Mais c'était un peu cette mode, parce que justement, Pokémon avait bien marché en deux parties et tout. Ils se sont dit, tiens, on va essayer avec Zelda. Les liens entre les jeux sont assez ténus. Il y a quelques bracelets, tout ça, qui se portent d'une version à l'autre. Il y a un moment dans un des jeux, tu nommes un enfant, et sur le coup, quand tu prends l'autre avec le mot de passe, il porte le nom que tu avais dans le premier jeu. Ça fait style, ouais, et tout, le jeu, il a retenu le nom que j'avais donné. Bon. C'était. J'ai été vraiment. Moi, ce qui m'a perdu, oui, c'est vraiment le cheminement du jeu que j'ai trouvé. Enfin, décourageant par endroit. Demander à passer d'une temps à l'autre ou d'une saison à l'autre pour. C'est pour là prendre... où tu vois que tout le monde n'est pas mis à mode. Ouais, bon, après, ça, moi, ça... Enfin, comme je dis, moi, j'ai trouvé que ce jeu était sympa, mais effectivement. Non, après, pas désagréable non plus. Un jeu de commande qui est bien réalisé, ça, on peut pas lui enlever. Mais qui manque du savoir-faire de Miyamoto dans la façon de guider et d'amener les joueurs. Alors, je suis pas tout à fait d'accord après, parce qu'il y a un autre jeu après qui est sorti, fait par Capcom aussi. Ou... Je parle pour celui-là. Je parle pas pour le reste. Mais là, pour le coup, ouais, ils sont bien, mais pas originaux, pas. Ouais. Mais ça reste quand même du haut de gamme. Bah, en fait, disons quelque part, c'est une bonne base de départ pour Capcom pour faire après le Minish Cap. Ouais. Et donc, au niveau collection, c'est des jeux qui vont pas coûter extrêmement cher aujourd'hui. Hein. C'est des jeux qui sont assez. Ouais, c'est pas très fou. Sauf la version collector. Et un petit problème près, il existe une version collector limitée qui était achetable uniquement sur le site, donc sur la boutique Nintendo à l'époque, grâce avec des points. Et cette édition contient un accessoire extrêmement original qui est un boomerang bicolore aux couleurs des deux jeux. Avec certificat, numérotation, tout ça, et qui vaut aujourd'hui beaucoup trop cher. Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que les jeux, même en loose, hein, ça commence à piquer quand même. Hein. Ah. On en est à 30-40 euros. Hein. Ah, d'accord, sur une époque, on n'en était pas là. D'accord, très bien. Vous pouvez les acheter sur console virtuelle à des prix. C'est ce que je suis en train de regarder là. Ouais. À des prix. Il y en a parfois aux alentours des 25 balles, mais voilà. Moi, je les ai sur Wii U. Ils avaient fait une promo console virtuelle Wii U, je les avais pris. Ah, ouais, effectivement. Donc, ils sont disponibles quand même hors. Ils sont sur DS aussi. Hein. Mm. 3DS, si. Mais bon, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça reste quand même de très bons jeux. Oh ouais, c'est pas des jeux où vous fraîchir. Hein. Pas de. Vous allez misérer, certainement. Voilà, ils vont demander plus de concentration qu'un Link's Awakening. Ouais. Et. Ouais. Bon, après, on a déjà largement dépassé le temps, je pense, du podcast, mais on va pouvoir terminer avec les deux derniers, de ce qui peut dire qui sont rétro entre guillemets pour moi, à savoir l'épisode GameCube et donc l'épisode Game Boy Advance. Ah oui. Ce sont respectivement Wind Waker et Minish Cap. Alors, pour parler de Wind Waker, c'est un épisode qui est très à part. Enfin, qui. Comment dire ? C'est de la merde. Voilà. On l'attendait pas. Il y a eu. Donc, le Wind Waker a sorti sur GameCube. Et quand la GameCube a été annoncée ou peu de temps après, on avait eu une démo technique qui combattait Ganondorf en 3D. Voilà. Qui avait un esthétisme plus proche de Twilight Princess que. Ouais, c'est ça. Ocarina of Time ou effectivement Twilight Princess plus tard. Oui, oui, oui. Qui fait aussi partie de la période GameCube, bien permettre de te corriger. Mais... oui, c'est vrai, oui. Mais qui ressemblera le Link Realist, qui ressemblera beaucoup à ce qu'on trouvera dans Soul Calibur 2 peu de temps après. C'est ça. Oui. Et du coup, Nintendo, à un moment, ils annoncent, on vous présente le nouveau Zelda Wind Waker. Et là. Voilà. Alors. C'est le drame. Alors, il y a eu deux groupes. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement cohérent, dans le sens où ça revenait aux sources de. Bah, j'avais l'impression comme s'il revenait aux sources de Link to the Past, parce que Link to the Past était très cartoon hein, dans son approche en fait. Ouais, ouais. Et je trouvais que ça revenait à cet esprit-là en fait. Et moi, je trouvais que ça ressemblait à un dessin animé et je trouvais ça beaucoup trop bien en fait. J'ai vu les premières images, j'ai fait mais c'est trop beau et tout. Enfin, moi j'étais vraiment j'étais. Le cel shading est magnifique. Le jeu. Comment t'as dit, vas-y. Le cel shading est magnifique. Hein. Ah ouais. Ah, super. Par contre, moi, c'est pas un jeu que j'aime bien. Je l'ai pas terminé, il m'a fait chier. Non, mais je le dis. Ouais, c'est pas un mauvais jeu. Mais ça fait partie des jeux que je suis capable de reconnaître qu'il y a des qualités, mais dire c'est pas pour moi. Je me suis fait chier. Ah, c'est comment dire l'aspect. J'ai eu le même problème d'ailleurs avec Breath of the Wild. L'aspect vas-y, balade-toi sur la flotte pendant un petit moment à la recherche d'un truc, tu sais pas exactement quoi, mais tu verras bien une fois que tu seras arrivé. Voilà, il y a eu ce côté-là. Il y a eu tout au début du jeu la phase d'infiltration. Il m'a profondément emmerdé. Moi, je suis pas quelqu'un qui est réputé pour ma discrétion, que ce soit dans un jeu ou dans la vraie vie. Et ça m'a profondément emmerdé. Je me suis dit, ah, si le jeu, déjà, dès le début, il m'amène là, ça a mal se passer. Effectivement, ça s'est mal passé. Et ouais, je l'ai jamais terminé. Il m'a emmerdé. Et j'avais essayé de le refaire avec le remake HD. Et... J'ai dû jouer quoi, peut-être une dizaine d'heures. Puis je me suis dit, non, mais en fait, le jeu, il est bien dans sa boîte, il est bien à l'abri, on va le laisser dedans. Voilà. J'ai fait la même, je l'ai racheté sur Wii U en me disant. Oui, j'ai pris la même banane. J'ai pris la même banane. Et j'ai eu la même chose. Et ouais. Très très très difficile pour moi de jouer, alors que le jeu est magnifique, il y a des trucs super drôles. Ah, carrément, oui, bien sûr. C'est juste le jeu en lui-même. Quoi. Bon, Beyond Petite Pelle, on peut pas laisser dire ça, là. Bah non. Voilà. Alors après, attention, hein, faites bien gaffe à ce que vous faites, c'est moi qui mets le podcast en ligne. Et faites attention à pas mal de boss dick. Hein, voilà. Je peux le mettre en ligne ailleurs, c'est pas grave. C'est pas... Mais je crois que Beyond est avec nous. Là. Mais oui, ce que moi j'allais dire, je vais mettre les plats dans le pied, mais franchement, c'est mon Zelda 3D préféré. Oui. J'ai adoré ce jeu à l'époque, et encore aujourd'hui, je sais pas, il a une aura particulière qui fait que dans son déroulement en général, je le préfère même à l'Ocarina of Time. Malgré le fait qu'il soit moins innovant, c'est un jeu que je trouve mieux fini, mieux fait, mieux fignolé. C'est un jeu que je trouve avec aussi un humour et une ambiance très cartoon et très unique. Ça me fait souvent penser au, notamment au le mini-jeu de toucher couler là. C'est génial, les bruitages du mec à la bouche, la fish. Et boum. Ou même le fait qu'il sorte le fait qu'il sorte ses panneaux et qu'il met sa tête au milieu pour te raconter. Voilà. Le nombre de mimiques sur les visages de Link est juste incroyable, franchement. Mais déjà un truc, alors pareil, j'avais peut-être pas fait gaffe à l'époque, mais Link, il suivait des yeux les ennemis et tout. Ouais. Enfin, c'était fou. Enfin. Et puis, tu sais, pourtant, ça paye pas de mine. Hein. Tu sais, t'as vu la taille des jambes, côté des bras, tu sais, oui. Il est tout déformé en fait, le petit bonhomme. Ouais, ouais. C'est génial. Je veux dire, même dans ses errances, je pardonne le jeu, je pardonne que la découverte d'Hyrule soit décevante, du palais d'Hyrule soit décevante. Je pardonne le fait que le bateau, ça a été chiant jusqu'à la version HD et la fameuse voile qui permettait Ouais, et pourtant, c'est... Ah ouais, non, c'était pénible de changer la direction du vent pour aller où tu veux, c'était... Ouais, ça pour moi, ça fait partie des défauts du jeu. Par contre, il y a une phase liée au bateau, justement... Phase qu'apparemment tout le monde a détesté et qu'ils ont jugé utile de corriger pour le remake, et tout le monde a dit ah génial, alors que moi c'était ma phase préférée, c'était la recherche de la Triforce. Oui. Parce qu'en fait c'était vraiment de l'exploration, mais genre avec un grand E, mais un E mais géant, mais... quoi. C'était. Et j'ai adoré ça, et apparemment, la plupart et des l'autre gens. L'autre chose qui était très tedious aussi dans la version originale, c'était compléter la galerie Tendo. Ah ouais. Qu'ils avaient réussi à faire de manière aussi maligne et différente dans le remake HD, puisque là on pouvait prendre plus de photos à la fois, et surtout via le feu, comment s'appelait ce truc où on pouvait s'envoyer des messages, le Miiverse. Voilà, via le Miiverse on pouvait s'envoyer des bouteilles à la mer dans le jeu. Ah oui. Et les bouteilles à la mer pouvaient contenir des photos des boss ou des PNJ, de manière à compléter la galerie Tendo, ce qui fait que pour la première fois il fallait pas refinir le jeu une deuxième fois. Ouais. Parce que je rappelle qu'on n'a pas l'appareil photo dès le début du jeu, donc dans la version GameCube, il fallait refinir le jeu une deuxième fois pour compléter la galerie Tendo, ce qui était quand même une purge. Enfin. C'était pas cool. Parce que bon. Après, l'autre détail aussi, on a parlé pour Zelda 3 tout à l'heure, pour Zelda 1, c'est musicalement mon Zelda préféré. C'est la partition que je préfère. Enfin, je veux dire, c'est. Je sais même pas comment expliquer le jeu quand il s'ouvre sur le thème de l'écran titre, j'ai tout qui revient d'un coup, et juste la première musique de la première île du jeu, j'adore les sonorités, j'adore la façon dont ils ont traité le jeu musicalement aussi, je trouve ça fantastique. C'est Koji Kondo aussi celui-là? Je vérifie, attends. Musique, ouais, mais il est pas tout seul. Ouais. Hop, on reconnaît pas son style sur toutes les chansons, en fait, c'est pour ça que je me posais la question. Avec aussi Minegishi aussi qui a participé à la bande son, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Pokémon Stadium, Majora's Mask, Animal Crossing, il a travaillé sur quoi? Ouais, Twilight Princess, Mario Kart 7, enfin voilà, le mec il a fait aussi plein de choses entre autres. Oh, bah, de toute façon, quand Nintendo il trouve un bon gars, il le garde. Hein. Oui, voilà. Ils lui disent tiens, voilà du pognon, tu le mets dans ta poche, mais tu vas pas bien loin, voilà. C'est des bons gars. D'accord. Donc sur le coup, ouais, Wind Waker, c'est toujours. Moi, j'ai toujours entendu des gens qui soit l'aimaient, soit ne l'aimaient vraiment pas. C'est. Ouais, c'est celui qui a vraiment le plus divisé, hein, c'est vrai. Ouais. Ouais, Zelda 2, c'est les poulets. Bah non, Zelda 2, on est que deux. Allez, personne n'aime. On est que deux. D'ailleurs, Wind Waker, c'est assez surprenant parce que c'est celui qu'ils ont choisi pour faire un remake HD. C'est peut-être celui qu'on avait le moins besoin au final. Oui. Bon, ils ont apporté des changements de gameplay sympas, mais. De base, le jeu est déjà beau. Hein, bah ouais. Le remake HD, oui, outre la deuxième voile, donc qui quand même fluidifie assez. Ça oui. C'est super agréable. Ça je dis oui. Il rend plus fluide la navigation. Sur le coup, il aussi facilite la recherche de la Triforce, comme tu dis, Moa, où là, on a l'impression sur le coup que le jeu est très court et se finit très vite, alors qu'en vrai, dans la version originale, c'était long, parce qu'il fallait chercher. Donc, c'était une vraie. C'était vraiment lâché dans la nature, quoi. Bien plus que. Ouais, il fallait récolter des indices auprès des PNJ, trouver des cartes. Enfin, c'était vraiment. Pour moi, c'était l'aventure exploration, quoi. Mais avec des majuscules sur toutes les lettres, quoi. C'est. Et donc, à cette même période. Capcom a sorti sur quelques années après sur Game Boy Advance un nouveau Zelda, puisque donc finalement Nintendo avait aimé le travail qu'ils avaient fait avec l'Oracle des âges et l'Oracle des saisons, et Capcom a sorti un Zelda aussi qui va être très à part d'un point de vue graphique, d'un point de vue histoire et d'un point de vue même lore entre guillemets, pardon. Oui, c'est le méchant, c'est pas le même. The Minish Cap, la coiffe Minish. Voilà, qui reprend toujours la base des deux univers, hein, mêlés, enfin, je veux dire des deux quêtes, le monde normal et le monde des Minish. Alors, ça, moi, j'ai kiffé ce jeu. Il est absolument formidable. Mais il est formidable à plein de points de vue, je trouve. Enfin, déjà, comment dire, c'est fait partie des rares Zelda où le jeu en fait est articulé autour d'un concept à chaque fois. Oui. Tout à l'heure, on avait. Oh, comment il s'appelle celui sur 3DS, on en a parlé vite fait. J'oublie toujours le nom. Voilà. En fait, là, ils sont. Voilà. C'est comme avec Between Worlds, ils se sont dit, voilà, le concept du jeu, c'est ça. Et on va articuler tout le reste de l'aventure autour de ça. Et ça, moi, j'ai kiffé, en fait. J'ai vraiment adoré. Par contre, le jeu a quand même quelques défauts. Oui, oui, oui, mais bien sûr, mais. Je pense qu'on va en parler, mais voilà. Déjà, la 2D, elle tabasse, mais genre. Oh, mais carrément. La réalisation est impeccable, et la réalisation prouve qu'on peut faire de l'original sur Game Boy Advance, ouais. Que ce soit d'un point de vue graphisme comme d'un point de vue sonore. Ouais, putain, les musiques. Voilà. Les compositions. Et moi, là, tout de suite, c'est la musique de la forêt, la première. Mais la forêt, incroyable. La forêt, incroyable. Elle est incroyable, le thème. Incroyable. Ouais. Il y a pas mal de. Petit truc que j'aimais bien, notamment je crois que c'était la griffe pour faire de l'escalade, des trucs comme ouais. Ça. Pour creuser la terre. Oui, ah voilà, ouais, je me souviens plus à quoi ça servait. La griffe, c'était pour creuser. Et puis quelque part, Mario Odyssey a pas inventé le chapeau qui a sa propre entité. sa propre entité. Voilà. C'est pas faux. C'est vraiment un bon jeu en fait. Là, je pense qu'après, comme tu dis, Chou, les choses moi qui m'ont un peu dérangé, enfin dérangé, c'est un grand mot, je trouve la quête des. Des fragments. Des fragments. Oh non, pardon, j'ai oublié. Oh là là là. C'est infini. Ouais, non, ça n'en finit jamais, ça n'en finit pas. On n'est pas au niveau des Korogu, mais franchement, des fois. honnêtement, ouais, effectivement, le côté. Les Korogu, non, c'est terrible. Tu soulèves un bloc, tu dis. Oh putain, non, pas encore eux. Non, oui, ouais. Les Korogu, c'est le stade voilà, c'est le stade ultime. Mais là, franchement, ouais, c'était un peu. Au bout d'un moment, t'en avais un peu marre, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais donc, le souci, c'est que c'était beaucoup de fragments qui étaient nazes pour très peu qui étaient bien. Et au bout d'un moment, c'est bon. C'est, voilà, c'est, voilà. Quelque part, c'est le reproche que je pourrais faire, c'est un peu le côté. Faut que tu amasses des trucs pour les collectionner. Un peu comme dans. Je crois que c'est les Banjo et Kazooie. Comment ils appellent ce genre de jeu? Des collectons ou un truc comme ça, enfin bref, genre de jeu fou, voilà, genre t'as 200 trucs à ramasser, vas-y amuse-toi à tous les prendre. Je suis pas spécialement fan de ce genre de choses, quoi. Mais bon. Par contre... Et toi, Boss dit que t'étais bien silencieux sur ce... J'aime beaucoup le jeu, mais j'ai jamais fini. Et j'ai eu peur. Ah non, j'aime beaucoup le jeu, mais c'est un jeu que j'ai jamais fini. Je l'ai fini une fois, mais... C'est vrai que je suis pas un grand fan de Zelda de base. Après, ça reste un jeu qui, techniquement... Bah, techniquement, il tabasse. C'est... Ouais, non, mais tu te demandes comment tu fais tourner ça sur GBA. Et, quoi. Et ouais, le... C'est pas faux. C'est un dessin animé, tu joues. Oui, c'est ça. À la limite, tu vois. Autant Link's Awakening, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, il aurait, à mon sens, peut-être plus mérité un remake, quoi. Bah, je trouve... Pas tant que ça, parce que graphiquement, franchement, il est toujours impeccable. Quoi. Ouais. Mais bon, ce que je veux dire, ouais. Pelle, c'est que pour les joueurs de maintenant, c'est peut-être un peu compliqué. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pixels hein, au niveau des joueurs, au niveau de la nouvelle génération. Après, il y en a beaucoup aussi qui aiment bien. Mais bon. Ouais. Quand on le voit en tout petit, tu sais, marcher au niveau, dans l'herbe, où t'as carrément en premier plan les grands. Oui, non, mais ça j'avais kiffé. Avec les glands qui sont de la taille des personnages qui marchent à côté, c'est juste visuellement le jeu, ouais, c'est du dessin. Bah oui, quand il y a la pluie, enfin, ça rend super bien. Ouais. Dans les intérieurs, et quelque part, ça zoome. Enfin, c'est beau, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de la claque des scènes cinématiques de Link's Awakening, en fait. Il y a la même chose dans Minish Cap. Ah, y a vraiment des soucis. Tous les petits détails, je me rappelle, la maison du cordonnier avec les chaussures en premier plan. Ah oui, j'avais oublié ça, punaise. Oh là là, c'est vraiment fou. Visuellement, il est dingue. Je... Ouais, c'est pas faux. Et c'est un jeu qui. Alors, est-ce qu'il coûte cher aujourd'hui ? Bah, en fait, bon, si tu le veux vraiment boîte complète chez complet, faut quand même. Bon, je pense qu'aux tu peux le trouver aux alentours de 60. Pour donner un ordre de prix, c'est peut-être 60, 80, 90 euros. Ouais. Après, en loose, bah, ça dépend. Hein. Il y a des gens. Le problème, c'est que c'est un jeu Game Boy Advance. Le jeu Game Boy Advance, il faut l'ouvrir et vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, effectivement. Bah, contrefaçon. Et là, je le vois bien quand on. C'est un sujet qui revient souvent. Hein, votre Zelda préféré, hein, c'est comme les FF et tout, quoi. Minish Cap ressort très souvent. C'est un jeu qui est extrêmement populaire. Hein. Les gens l'aiment beaucoup. Mais sinon, pour donner l'ordre d'idée du prix en loose, peut-être un petit peu moins d'une vingtaine d'euros, autour de entre 15 et 20, je dirais presque. 25 grand maximum, ouais. Donc ça reste assez honnête pour un jeu comme ça. Ouais. Et le lien avec Wind Waker, c'est que ça reprend la DA de ce Link-là. Hein. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais voilà. Au niveau collectionneur, ben rien à dire de particulier sur ce Minish Cap qui n'a pas vraiment connu de trucs fabuleux. Peut-être. Édition limitée, non ? Juste, non, il n'y a pas d'édition limitée qui existe. Oui, je crois, non ? Il y a une GBA SP. Je sais pas si c'était Minish Cap ou si c'était juste GBA SP Zelda. Il me semble qu'elle a été vendue avec Minish Cap. Non, la GBA SP était vendue avec. C'était avec Minish ou c'était avec la réédition de Link to the Past qui a été vendue. Force Wars peut-être, non ? Je mets dans le chat. Ah, mais non ! Oui, je dis que des bêtises, c'est ça. Non, parce que j'étais persuadé qu'elle avait été vendue avec la réédition de Link to the Past. Donc non, la GBA SP Zelda Doré, qui est donc la première console portable, est bien sortie pour Minish Cap et il existe donc une version limitée à 300 exemplaires achetables uniquement. Comme l'oracle des âges, l'oracle des saisons sur le site Nintendo, qui contient entre autres un certificat d'authenticité, quelques goodies et la console aux couleurs de Zelda et le jeu. Alors après, j'ai trouvé un lien. Un bonnet avec Atriforce dessus. Donc c'était 15 000 étoiles donc, sur le. Oui. Voilà. Ce qui équivaut à peu près à 120 jeux. Il aurait fallu acheter à peu près 120 jeux. Pour pouvoir avoir la GBA, le collector, voilà. 120 jeux gros. Voilà. Et c'était vraiment, enfin, 300 exemplaires numérotés, ça fait partie des très. Ouais. Au même titre que l'édition de Majora's Mask et que celle des Oracles, c'est vraiment les éditions les très recherchées des Zelda aujourd'hui, gros collectibles Zelda. Quoi. Bon. Okay. Bon, bah, moi, tu voulais terminer rapidement avec celui qui va faire le lien avec donc. La phase plus moderne, c'est-à-dire le fameux toilette princesse. Ouais, je sais pas. Parce que si on parle des épisodes de DS, on va encore se fâcher, donc. Bah, même sur celui-là, je pense qu'on va se fâcher, donc. Je pense qu'il y a des chances qu'on se foute sur la gueule, ouais, effectivement. Alors, bah non, parce que moi je vais commencer par dire que je trouve très bien sur Wii, et puis il y en a qui vont dire qu'il est nul et tout. Ça y est, je saigne du nez. On va se mettre sur la gueule, je le sens. Donc je sais pas, est-ce que ça vaut... C'est vous qui voyez. Non, mais c'est fou. Moi j'ai acheté la Wii avec Twilight Princess le jour de sa sortie. Moi aussi. J'ai joué 2 heures. Je suis allé acheter la version GameCube. Ah oui. Ça s'est passé comme ça. J'ai touché 2 heures la version. J'ai jamais joué plus longtemps la version. C'était une purge infinie. J'étais là, j'étais en train de gigoter avec ma Wiimote, avec mon perso qui faisait n'importe quoi. J'ai dit, qu'est de quoi? Et c'était pas bien. Moi, quelque part, Twilight Princess sur Wii, c'est ce que j'appelle un jeu de régime. En fait, tu joues pour brûler des calories, mais étant donné que tu t'énerves, tu gigotes encore plus et tu brûles encore plus de calories, mais tu joues pas au jeu. Mais en vrai, c'est faux. Hein. Enfin, vous vous rendez compte que ce que vous dites est entièrement faux. Moi, je peux pas. J'ai essayé. Hein. Tu faisais un petit coup de poignet pour donner un coup d'épée. C'était un petit coup de poignet. Hein. C'était pas. Exactement comme pour le remake Wii d'Okami. J'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Parce que le remake Wii d'Okami, quand il fallait passer en mode dessin, c'était juste. Mais les coups que tu faisais n'étaient pas reconnus. Donc là, oui, je suis d'accord. Pour Twilight Princess, non. Et en plus, c'est pas du niveau de Phantom Hourglass. Et en plus, la visée à l'arc, ça marchait super bien. Mais après, le motion gaming, c'est pas un truc qui marche bien avec les Zelda. Au niveau concept, je vois pas. Moi, pour moi, ça marche pas. Hein. La visée à l'arc au grappin, c'était très bien. Ça marchait très bien. Ça faisait ce que je voulais. À tel point que quand j'ai fait le remake Twilight Princess sur Wii U. J'étais là, à chaque fois que je sortais mon arc, à viser l'écran comme un con, alors que ça marchait plus. C'était tellement instinctif. Pour ça, j'aimais bien la version Wii. Ok. Mais, la version GameCube, elle est au moins aussi bien, voire mieux, parce que déjà, Link est gaucher. Mon problème avec le jeu, moi, c'est pas tant ça, c'est le fait que... C'est un phénomène que je m'explique pas, je pense qu'on a tous connu ça. C'est un jeu que j'ai terminé, à 100%, parce que je me souviens de cette caverne-là où il faut faire dizaines de tout ça. J'ai tout terminé à 100% sur GameCube. Quand j'ai repris le jeu, quand il est sorti sur Wii U, je me suis rendu compte que je ne me souvenais de rien. Ah, que comme si j'avais jamais joué au jeu, comme si le jeu ne m'avait pas marqué une seconde, comme ce genre de film que tu commences à regarder, tu te dis, tiens, je l'ai jamais vu. Et au bout de 25 minutes, tu te dis, ah mais attends, je crois que ça me dit quelque chose, c'est possible que je l'ai déjà vu. Ah oui. C'est exactement le même effet que me fait Twilight Princess. D'accord. Alors que moi, par contre, j'ai trouvé plutôt sympa, justement. Mais c'était l'époque post-Seigneur des Anneaux. J'ai vu passer ça dans le chat, d'ailleurs. où tu sens que le jeu, il a été marqué quand même par le film. Avec l'annonce, déjà l'annonce en mode avec la musique de Conan, là. Enfin, c'était un truc de fou ça. À l'E3. Mais le jeu a eu 3 versions au final. Et le jeu a eu la version GameCube, la version Wii. Oui. Il a été retardé exprès pour pouvoir sortir sur Wii en Day One. Plus. Ouais. Il a eu la version Wii U. Et moi je l'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé, moi c'était la mise en scène du titre en fait. Mais alors c'est un Zelda qui est plutôt cool en fait. Hein. Par contre, il n'invente rien. Voilà. C'est marrant, mais il le fait bien. Il n'invente pas grand chose. C'est juste que c'est bien mis en scène, c'est bien emballé. Oui. Il y a pas mal de choses. Et je crois, j'avais l'impression vraiment que c'était le Zelda qui voulait reconquérir les fans de Zelda qui avaient été perdus avec Wind Waker. Du coup, ça fait presque un Zelda de commande, en fait. C'est ça son souci au jeu, je pense. Parce qu'ils se sont dit, ah oui, d'accord, vous vouliez des graphismes entre guillemets réalistes, bon, on va repartir un peu là-dessus. Ok, vous vouliez des donjons, ok, on va vous mettre 200 000 donjons, dont certains qui sont un peu courts, qui manquent peut-être un peu d'intérêt, je trouve. Mais ça a donné des grappes de trucs qui sont pourris. Parce que c'est là qu'on va pas, on va vraiment, enfin, vous, un Zelda réaliste, tout ça. En vrai, il est pas réaliste, hein. Enfin, Non, mais le design de Midona, le monde alternatif, sur ça cool. Ouais. Par contre, pour moi, c'est les PNJ. autant je suis touché par la direction artistique de Wind Waker, autant la direction artistique de Zelda Twilight Princess sur certains points, notamment les PNJ, je suis dehors, complet. Ils ont des visages un peu... Je déteste. Ils ont des visages un peu grotesques, ouais. C'est vrai qu'ils ont une drôle de gueule, les gamins. Il y a ce gamin là, ce bébé, enfin c'est pas un bébé, il a la moitié de tête de bébé, mais tu crois qu'il enfin, il doit avoir 4-5 ans, mais il c'est un psychopathe en fait. Mais je les trouve attachants. Baldur, Baldur avec les galeries Baldur. Ce côté lumière clair-obscur, avec ça donnait des scènes mythiques, avec le pont devant le château d'Hyrule, avec les duels sur les ponts, c'était super bien ça. Oui. Ah ouais, il y avait plein de trucs bien quand même. C'est ce que je dis en termes de mise en scène, il a vraiment poussé le truc quoi. Ouais, c'est un Zelda moi qui m'avait bien plu quoi. J'ai vraiment bien aimé. On pourrait noter aussi, les gens ont effectivement une relative facilité du jeu, mais ça reste un Zelda. Ouais. Bon. Et moi, comme d'habitude, je vais dire que je me suis fâché. Hein. Oui, bah oui. Voilà. Il y a pour moi un des meilleurs. Il y a lui-même, quoi. Il y a quand même pour moi, en termes d'ambiance et tout, et il y a un des meilleurs zones de la série. Hein. C'est le donjon dans le manoir gelé. Ouais. Qui est ultra original et qui est vraiment bien. Bien aménagé quoi. Bah, tu me fais penser que justement il y a l'ambiance western aussi, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le jeu. C'est rien avec le village. C'est très. Très. Il était une fois dans l'ouest quoi. Ah bah, il y a carrément une séquence de toute façon. Avec une musique littéralement à la Morricone, où tu te fais désinguer tout le monde dans le village quoi. Tu veux dire par là que tout est lié, Pelle ? Tout est lié, bien. Que c'est pas ce que je n'aime pas du tout. Il était une fois dans l'ouest. Western. Mais il y a vraiment des ambiances western dans ce Zelda, c'est clair. Ouais. Après, d'un point de vue collection, la version GameCube est réputée comme étant rare et chère, ce qui est totalement faux. C'est absolument pas un jeu rare, c'est juste que les gens ne sont pas luchés dessus pendant longtemps. En vrai... quand vous arrivez dans un magasin et qu'il vous dit « Oh là là, c'est un jeu particulièrement rare !» Tu fais « Ouais, mais par contre, vous en avez trois !» Et en vrai, c'est un jeu qui n'a jamais trop décollé au niveau cote et qui peut se trouver maintenant des 40-45 euros. Ah, et tu parles de quelle version, la vidéo ? La version GameCube. Parce que les gens n'arrêtaient pas de dire qu'elle était rare, mais elle n'a jamais été rare. C'est bullshit. Mais par contre, il coûte cher, l'épisode non, GameCube, en vrai. 40-45, pas plus. Il est trouvable dans ces tarifs-là. Il y a des magasins, je te dis, qui en ont plusieurs exemplaires. Et les magasins qui le rentrent tous les deux mois, ils en rentrent un exemplaire. C'est pas... Après, la version Wii vaut tellement rien et la version Wii U vaut tellement rien à côté que. Après, vous emmerdez pas, j'ai envie de dire, vous prenez la version Wii U directement. Ouais. Mais t'es sûr de ça ? Parce que je me rappelle que cette idée-là était ressortie à l'époque de Breath of the Wild, tu sais, en disant ah, mais il faut que vous preniez la version Wii U parce qu'elle va coûter super cher aussi. Mais c'était bidon aussi. C'était bidon sur Ah, mais ça, c'était bidon pour la version Breath of the Wild, j'en suis certain. Mais tu sais, quand même, hein, pour Twilight Princess, je sais pas. Non. Écoute, même... Guillaume a totalement raison, on le trouve aux alentours de 40 euros. D'accord. Alors attention, parfois il y en a qui se touchent le cul et qui vont les mettre à 70 balles, hein, le Twilight Princess. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a entre guillemets la cote réelle et il y a ce que les gens en veulent. Voilà. Moi, comme plusieurs fois, je suis tombé sur des gens avec lesquels je me suis fâché, qui essayaient de me refiler des trucs à des tarifs que soit ils avaient inventé, soit ils l'ont rêvé. J'ai fini par leur dire moi, je vais pas racheter vos souvenirs. Ouais, mais il y a aussi le fait que ces multiples ressorties avec Wii U, machin et tout, ça a dû lui en faire perdre aussi, quoi. J'imagine. Ça a jamais vraiment augmenté. Ça a toujours été plus ou moins dans ces tarifs-là. Ça a augmenté un peu, mais après ça a stagné. Et encore une fois, compte tenu du fait que c'est un jeu qui est quand même très courant, soyez juste patient. C'est pas franc. Enfin, c'est un jeu qui pop très souvent. Moi, je l'ai vu encore une fois dans des magasins du type Cash. À moins de 50 euros, faut pas trop se précipiter. Je veux dire, même un jeu aujourd'hui comme le Force World GameCube est plus cher que Twilight Princess. D'ailleurs, on en a pas parlé. Si effectivement, en plus, le Force World GameCube, il faut vraiment l'avoir complet, quoi, si tu veux y jouer. Bon, c'est peut-être le moment d'en parler, peut-être vite fait, non? Si vous voulez parler, pour savoir qui a joué à Force World Adventure ici sur. J'ai joué. Pas moi. Pas jusqu'au bout, mais j'ai joué. J'ai joué à deux. Moi, j'ai jamais eu assez d'amis. Moi, j'ai jamais joué non plus. C'est un Zelda, en gros, c'est un Zelda tu vas reprendre la charte graphique de Link to the Past, plus ou moins, enfin, plus ouais. quoi, on va dire. Oui, c'est plus ou moins ça. Sorti ouais. sur GameCube, et en fait, la particularité, c'est que on avait un écran de jeu sur la télé, et quand on rentrait dans un bâtiment, ou une grotte, ou un truc comme ça, ça se déportait sur l'écran de la GBA, qui était donc connecté, qui servait de contrôleur de jeu. Mais il était aussi sur Game Boy Advance, de toute façon. Alors, c'était une variante sur Game Boy Advance, effectivement, et ouais. il est pensé pour le multijoueur, donc en gros, il y a... Il y avait une variante sur Game Boy Advance qui est sortie avec Link to the Past. Ouais. Oui. Et oui. il a également été en téléchargement gratuit pendant une durée réduite sur la DSi de Nintendo. C'est ça. Effectivement, ouais. Et, ouais, je sais pas, voilà, je crois qu'il y avait deux types de personnes pour Foursoir l'aventure. Il y avait ceux qui avaient des amis, mais qui n'avaient pas tout le matériel. Et moi, je suis parti de ces personnes qui ont tout le matériel, mais qui n'ont pas d'amis. Moi, c'est l'inverse. J'avais des amis, mais rien du tout pour jouer. Parce que le problème, oui, voilà, c'est qu'entre les câbles, les Game Boy Advance et... Enfin, il était faisable en solo, hein. Oui. On pouvait jouer en solo, mais c'était pas... Le principe, c'était vraiment très orienté multi. Ouais, ouais. Il est sympa, hein. Il est sympa. Bon, c'est pas... Donc, oui. Bah, il sera toujours plus sympa que celui qu'on va parler maintenant, hein. Non, bah non, parce que maintenant c'est bon, c'est fini. Tu veux parler de quoi comme... Non, mais c'est Crossbow soir... Training, mais oui, Crossbow Training. Pour parler rapidement, le jeu aujourd'hui commence à prendre bien de la cote sur GameCube, déjà seul. Et l'idéal, évidemment, c'est d'acheter la version en boîte cartonnée avec un câble Link. Et bon, c'est un jeu qui aujourd'hui commence à être un petit peu onéreux. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre en dessous pour découvrir Force World. Ouais. C'est plutôt que si vous voulez jouer à deux, faut deux GBA, quoi. C'est ça qu'il faut. Ouais. On n'a peut-être pas suffisamment expliqué, quoi. C'est... Voilà. Et à 4 GBA. Le câble Link surtout. Et 4 câbles. Oui, je ne sais pas si c'est des câbles Link, mais le câble qui relie la GameCube à la GBA, quoi. Mais bon, après, si tu as le Final Fantasy qui a le câble là, si tu as. Enfin, je ne sais plus quel autre jeu ont ça aussi. Donc, éventuellement, tu peux encore trouver, mais. Et des amis, effectivement. Qui ont envie de jouer. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Bah oui. Ça fait beaucoup. Il y avait ce setup absolument hallucinant que j'avais vu là. Je me suis dit, putain, c'est ouf. Un mec qui avait 4 GameCube, 4 télé pour brancher. Attendez, il y avait 5 télé parce qu'en gros il a branché le jeu avec la GameCube et les 4 GBA sont en fait des GameCube avec le Game Boy Player. Ah oui. Du coup chaque écran GBA ouais. était en fait aussi un écran de télé et du coup il jouait à 4 avec 5 CRT quoi. Enfin c'était un setup complètement ouf. Je rigole parce qu'en même moment, je regarde le prix, le tarif un peu sur eBay et je vois un type qui vend 4 GBA, 4 câbles Link et en fait c'est tout ce qu'il faut pour jouer en fait à Foursoir d'aventure. Par contre, le prix est pas glop. Okay. Bon, je pense qu'on a largement débordé. Hein. On a fait une heure en plus quand même. Ouais. Bientôt, il nous faudra un podcast de 5 heures. On va y arriver. C'est pas grave, je présenterai un jeu la fois prochaine. C'est pas grave. On garde ton jeu au chaud. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, il partira pas bien loin. On peut dire que Skyward Sword, c'est de la merde. Alors, par contre, j'ai découvert un truc lors de la préparation de ce podcast. Je suis d'accord avec Ghostdick, quand même. Oh, mais bien sûr, on peut le dire. Ça. Donc, j'ai découvert un truc en préparant le podcast. Moi, je suis pas à 100% d'accord. Un set de cartes pour le barcode battler à l'effigie des personnages de Zelda. Wow. Alors par contre, les prix, c'est pas génial. Hein. C'est quand même c'est un truc officiel. Ouais, officiel Nintendo, tu effectivement. Tu te rappelles du barcode battler, Pelle ? Avec les codes barres. Moi, j'en ai un. Ou le PQ était top tier, d'ailleurs. Non, c'était le cassoulet William Sorin qui était trop pété. Je ne sais plus si c'est le plus... Au Moltonel, mais il était craqué du cul. C'est fin de soirée, il y a les ambiances. Quoi. Voilà, on est parti sur des blagues de cul. Donc j'ai découvert caca. Ce truc. Malheureusement, le prix est un peu trop élevé pour que je me dise « Ah, ouais, étant donné que j'ai un barcode battler, on peut tenter le truc. » Et apparemment, ce serait compatible qu'avec le Barcode Battler 2, d'après ce que j'ai compris. Ah putain, parce qu'ils en ont fait une deuxième version. Ouais. Et je sais pas le nôtre, celui qu'on a eu, si c'est le 1 ou le 2. Donc c'est comme le MSX, ça, le 2, personne n'a jamais vu en vrai. Voilà, c'est une légende en fait. Déjà, il n'y a pas grand monde qui a vu un Barcode Battler en vrai. C'est pareil, c'est comme Zelda 2 en fait. Si donc là, actuellement, il y en a en vente sur eBay, c'est 45 balles et 15 balles de frais de port. Quoi. Donc ça fait comme 60 balles. Pour Barcode Battler, ouais, non. Voilà, pour un bidule à mettre dans le Barcode Battler, je suis pas. Non, ça aurait été encore une dizaine d'euros. J'aurais dit, allez, je tente, il a dit manco, mais là non. Là, en même temps, tu sais, les produits dérivés Zelda, il y en a. Ouais, je pense qu'on pourra même. Quelque part, je ne m'inquiète pas, je sais qu'il y a des gens pour ça, des collections. On pourra limite faire un podcast complet pour parler des autres épisodes et des produits dérivés. On pourra se battre sur ce Skyward Sword. Je pourrais vous dire que Spirit Tracks est un excellent épisode. La merde. Moi je suis d'accord. D'accord, Spirit Track c'est bien. J'ai pas vraiment détesté Spirit Track, j'aime bien le concept, mais le truc avec la DS, non. Excellent, j'irai pas jusque là, mais Spirit Track c'est pareil. Tout au long du podcast, qu'est-ce que je me suis fait. Je dirais pas que c'était un jeu exceptionnel, mais c'était quand même un peu sympa. Par contre, je rejoins Mosdick, c'est que au bout d'un moment, passé le côté découvert du concept, je me suis fait chier. Il est pas fini. Alors, à la fin, il y a un combat de train. Il y a un combat de train. Oh merde, il va falloir que j'ai rejoueur. Mais cette manialité au stylet, c'est contre nature, tu vois. Ah oui, bien sûr. Oh là là, non, moi, c'est pour ça que le jeu, je l'ai pas fini. Hein. Allez, barrez-vous. Barrez-vous, gros bébé. Barrez-vous. Non, je déconne. Par contre, cette gimmick était drôle quand même quelques secondes, mais bon. Un petit big up d'un site Zelda que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Palais Zelda. Je mets le lien dans le chat. Je connais, ouais. Il y a un curseur un peu dégueulasse avec une Navi qui suit votre flèche, mais ça c'est pas grave. Oh, non. Le site est vachement sympa. Il y a plein de trucs cool dessus. Il est rigolo, il est bien fait. Voilà. Il existe depuis oula longtemps ce site. Ouais. Hein. Très longtemps. Ouais. Le monde, ça fait pas plus de 15 ans que je le connais. Plein de fans. C'est vrai, Mora, t'as raison. Je le connais depuis des années. Bah, ça veut dire à quel point j'aime Zelda. Hein. Et vous avez Navi qui suit votre curseur. Allez, barre-toi. Bah là, j'ai cliqué dessus. Mais je crois que déjà à l'époque, quand je l'ai connu, il y avait déjà Navi ou un truc bizarre sur ce site. Voilà. Donc, je pense qu'il va être temps donc, de remercier les gens qui étaient là ce soir d'être nous écouter, d'avoir discuté, interagi et tout ce genre de choses. Faire un petit coucou à tous nos écouteurs sur YouTube et autres supports. Espérons que ça vous ait plu. On est toujours ouvert aux propositions, aux critiques si jamais vous voulez nous parler. Il n'y a aucun souci. Le Discord est ouvert également à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre. Et donc là, je vais faire un point d'exclamation, quelque chose que je sais déjà plus que c'est. Collection. Il y a deux commandes qui sont valides. Vas-y, je te laisse faire. Collection. Putain, ah ouais. Ah bravo. Non, j'aurais pensé moi-même, j'aurais été. Pour une fois que je l'ai retenu. Et donc c'est le Discord du podcast du collectionneur. On peut discuter par écrit, par oral, tout ce genre de choses. Et on va vous souhaiter bon vent et à bientôt. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pour parler de quoi, mais. Au revoir les enfants. Des bisous. Ouais. Bonne nuit. Bonne année. À bientôt. Au revoir. Au revoir.